c'est fou. 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web. Vous êtes à cifou.ca. 89.1. Trois-Rivières. Vous êtes à cifou. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan d'aujourd'hui, à Assemblage Requis, on célébrera le retour de l'automne aujourd'hui avec la chronique gastronomique, grand-astronomique. Hey, nouveau mot, je pense que je l'ai, je vais le garder ça. Une grosse pointe d'adresse, tout ça en plus de Tania Galant Tchétchénia et une thématique culinaire dans son foutu palmarès. Assemblage Requis commence tout de suite. Et ça, je remarque, c'est tellement long avec la chanson commence que je peux mettre des blagues dans le truc, c'est comme plein de temps. Ouais, ouais. Assemblage Requis. Toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage Requis en ce jeudi 22 septembre 2016. On est à 217 jours de la fin de l'année scolaire 2016-2017. Je m'appelle Mathieu Plantin. Et moi, Tania Baudin. Allô, Tania. Hey, bon matin. Est-ce que tu as vu passer le gars des viennoiseries? Hein? Oui, ouais, je viens de voir passer tout ça. Les petites chocolatines, les petits c'est croissants. L'heure. On commence l'émission exactement en même temps que le gars arrive avec ses croissants. Hey, mon tadine, que ça s'annonce bien. À chaque matin. À chaque matin. Bref, on commence l'émission aujourd'hui avec la chanson thème de Vanessa Parietta, remaniée par les risques du plasmique. Est-ce que tu veux parler un petit peu avec moi de l'émission d'aujourd'hui? Ben oui, pourquoi pas? On va voir la chronique. La chronique. La chronique, une oui. Une grosse pointe Aldress. Oh my God, ça un fait retour. Trois semaines, je pense qu'on n'a pas fait une grosse pointe Aldress. C'est vrai. On n'a pas fait l'émission du jeudi, on a fait les deux dernières semaines depuis le début de la saison. Mm-hmm. Donc nous revoilà pour la première fois un jeudi, ça va être vers les 8h30. Ta chronique à toi s'en vient, Tanias Galantetania, dans quelques... une demi-heure environ. Oui. Environ. On va faire ça tôt aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans ta chronique? Bien, j'ai comme décidé de faire un mélange de ce que peut-être Samuel Gertin pourrait faire. Samuel Gertin, oui, Samuel Gérard. Ça, c'est et leur nom d'enfant. Gertin, c'est oui. Leur nom de couple vedette de gauche ouais, et de droite. C'est, ouais, c'est ouais. Ça, exactement. J'ai décidé de faire le tour de mon actualité, mais ce qui a retenu mon attention. Oh. Donc, vous allez voir, peut-être que c'est complètement différent de ce qui a retenu votre attention, mais je trouve ça quand même intéressant de pouvoir en parler, puis je me suis dit pourquoi pas. Génial, on va faire ça dans quelques minutes tout à l'heure. On a aussi son futur palmarès qui s'en vient dans quelques instants pour débuter l'émission. Je voulais quand même qu'on parle, Caroline, de nos nuits, encore une fois très courtes. Oui, oui, tout à fait. C'est les premières semaines de la saison, elles sont très, très chargées en événements. On se rajoute beaucoup de travail pour rien. Mm-hmm. Donc, nous voilà à 4 heures et moins de sommeil de mon côté, toi? Je pense qu'au total, ça va me faire un 5 heures. OK. Un 5 heures peut-être et 20. Non, c'est quand même peu. Quand tu as 5 heures ou 4 heures, c'est pas mal la même chose. Ouais, c'est ça. Quand tu es en bas du 7, c'est mettons, là, exactement. C'est... Ouais, mais on a des horaires chargés, hein? Oui. Puis là, à cause que Mathieu est du style à me dire à chaque matin que lui ne boit pas de café avant de venir faire l'émission. Seulement après l'émission. Je me suis mis cette espèce de défi-là, cette session-ci, toute seule. Alors, je dois avouer que ce matin, je m'en dis mon café. C'est pas facile, mais j'ai pris l'habitude avec le temps. Seulement à 9h30. On boit de l'eau à place. Exactement. Grâce absolument. À notre nouvelle application. Avec notre application, toi, c'est quoi? C'est Water... Waterlog? Waterlogged. Est-ce que tu as réussi, toi, hier? Je suis encore Waterminder parce qu'il est déjà programmé. J'ai pas eu envie de recommencer à zéro. Non, mais ton défi de la journée, est-ce que tu as rempli ta bouteille? D'habitude, je l'ai rempli à 75%. Ah, d'accord. Moi, 2 litres, c'est beaucoup. Je l'ai rempli plus que ce que je devais. Ah, ouais. Parce que l'application te dit à chaque 1h30 de oui. boire de l'eau pour que tu te rendes à ton but par rapport à ta taille et ton poids, qui est, mettons, en général, à peu près 2 litres par jour. Ce qui est quoi, 8 verres, mettons. À peu près. Environ. Donc, c'est ça, je le remplis pas toujours. Pas toujours. Ah. Faudrait que je m'y mette, hein? Ben oui. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire sinon que ouais j'essaie quelque chose de nouveau ce matin, ça intéresse absolument personne, mais j'essaie des barres de remplacement de repas aujourd'hui. OK. On va voir, c'est supposé durer 5 heures. Fait que là je pourrais ne pas grignoter le matin puis pas avoir trop faim. Parce que on se rappelle Mathieu mange pas. Je peux pas déjeuner le matin sinon j'ai mal au ventre. J'espère que mes barres ne me donneront pas mal au ventre. Bref, j'espère pour toi. Merci. Assez parlé de nos vies personnelles. Une petite pièce du palmarès anglophone pour commencer l'émission, une nouvelle pièce de Eto Brucé. Oui, c'est Lasca. Oui, on les connaît Eto Brucé de leur chanson Hey Blue. Hébrou. Hébrou. Hébrou. Hébrou. Hébrou. Hébrou. Ouais, mais hébrou, hébroussé, tout broussé. C'est ça. Il bouche au genou. Et tout broussé. Lasca, Assemblage Requis. Tu broussais pendant que Mathieu est en train de terminer sa bouchée. Absolument de, pas. De bartendre nutritive. Très bon, par contre. Très oui, bon. C'est très, très bon. J'essaie quelque chose de nouveau. Ça va peut-être changer ma vie, on sait pas. Parce que, on le rappelle encore une fois, Mathieu ne déjeune pas, alors peut-être que ça va t'empêcher d'acheter des viennoiseries. Voilà, des barres de remplacement de repas. Voilà. Je vous en reparlerai si ça fonctionne pour moi, je vous le conseillerai peut-être. Peut-être. Tiens, on va établir une liste sur un sujet plus ou moins précis. Voici son foutu palmarès. Oh. La chronique dans laquelle on établit, comme je disais, une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et comme on est en direct le jeudi, que c'est une grosse pointe d'adresse, le retour, on s'est dit qu'on allait faire des listes sur la bouffe. Mm-hmm. Ça a du sens quand même. En fait, la plupart du temps qu'on fait ces chroniques-là, soit c'est le mois en cours ou c'est de la bouffe. C'est le sujet qu'on choisit pas mal. Donc, on commence avec, juste pour avoir le temps de faire les trois, là, on commence par une liste de saveurs Doritos qui sont maintenant discontinuées. Oh, OK. Intéressant. Bon, on connaît tous les saveurs de fromage nachos. Mm-hmm. T'as fromage épicé, t'as fromage doux, t'as fromage moyennement épicé, t'as fromage extrêmement épicé. C'est tout le temps la même chose, les saveurs de Doritos. Ouais. Ça vient pas mal toujours au même. Hein? Mais il y a d'autres saveurs que ça. Frito-Lay a sorti plusieurs autres saveurs qu'on dit excitantes ou intéressantes qui ne sont plus disponibles. Donc en voici une liste. Le premier est celui que j'aurais pensé qui devrait exister. C'est une saveur que je trouve classique, c'est crème sure et oignon. Oui, OK. Pendant les années 70, Doritos a amené les crèmes sure et oignons. Ça a été discontinué au début des années 80, mais ça a été ramené comme saveur retour en arrière, throwback, en 2013 aux États-Unis. Pas ici, malheureusement. Ils ont ramené les throwback rétro Doritos avec un sac rétro, mais ça goûtait juste les tortillas. OK, saveur originale, c'était super bon, mais c'était pas crème sure et oignon. Chester Cheese. En 1995, Doritos et Cheetos, oui, se sont assemblés pour introduire Chester's Cheese Doritos, qui combine la saveur fromagée des Cheetos, mais sur une croustille Doritos. Oh! Seulement pour un temps limité, mais avoue que ça te tente. Ouais. Ensuite, Pizza Cravers et Taco Supreme. À la fin des années 90, PepsiCo pas renvoyé, mais on appelle ça faire un spin-off. Ça veut dire que tu dérives un petit peu, tu l'envoies dans une autre compagnie séparée, leur division restaurant dans Yum Brands. Donc, ça incluait entre autres Pizza Hut et Taco Bell. Doritos, qui est un produit de Frito-Lay et de PepsiCo, a sorti Pizza Cravers en association avec Pizza Hut. Et environ à la même époque, Doritos a aussi fabriqué les Taco Supreme Doritos avec les épices de Taco Bell. Oh, OK. Miam, j'adore de Pizza Hut en général, c'est... L'annonce a tellement pas rapport. J'ai pas regardé l'annonce, honnêtement. C'est tellement stupide. Est-ce qu'on devrait la regarder ensemble? Non. Ah, bah, attends. Ça vaut pas la peine. Ah, je peux vous l'expliquer si vous voulez. S'il te plaît. C'est un gars qui essaie de monter sa tente. Là, ça fonctionne pas, fait qu'il s'assoit puis il commence à manger ses fameuses Doritos. Ouais. Puis il y a deux castors qui arrivent puis qui construisent un chalet. Oh, wow! C'est le fun! C'est pratique d'avoir ça dans sa vie. Oui, mais est-ce que tu peux me dire c'est quoi le lien avec les Doritos? Absolument rien! Est-ce que ça aime le fromage des castors? Peut-être. On n'a pas assez regardé de documentaire. Ça doit être ça. Ensuite, Jumpin' Jack Cheese avec Jay Leno dans leur publicité. Jay Leno, l'animateur de talk show avec un gros menton. Donc, dans les années 90, Doritos a amené les nouveaux Pepper Jack Jumpin' Jack Cheese. Avec Jay Leno comme porte-parole, ça a été discontinué au début des années 90, mais ça a fait un comeback, encore une fois, comme édition throwback en 2013, en même temps que l'autre de tantôt. Donc, Pepper Jack, comme le fromage Pepper Jack, ça a l'air bon. Encore une fois, je pense que je vais le dire à chaque saveur, oui. Parce que je suis un fanatique de ces chips-là. Au début des années 2000, on a amené les Rolitos. Ben oui. Ben oui, donc Doritos a roulé ses chips triangulaires en petits tubes appelés des Rolitos. Ça existe maintenant chez Tostitos, les chips oui, roulés. C'est ça. Ça change absolument rien. Ça goûte la même chose, mais c'est croustillant d'une différente façon. Mais c'est quand même plus facile à prendre pour la trappe. C'est ça. Ça se prend bien les mains. Ouais. Tes mains étaient faites pour avoir des chips roulés. Hein? C'est ça. Donc Frito-Lay disait que c'était justement une façon plus facile de manger les Doritos, c'est que ça croustillait plus. Ça, c'est tout à fait vrai aussi. Les nouvelles formes de chips venaient en quatre saveurs, dont Nacho Cheesier, comme dans encore plus fromage et nachos, Zesty Taco, Cooler Ranch, comme dans Cool Ranch, mais encore plus cool, et Queso Picante. Queso Picante. En 2013, Doritos a changé le nom de Rolitos pour les Dinamitas. T'as peut-être vu ça en dépanneur, on les a goûtés, non, peut-être pas à l'émission, je les ai goûtés dans ma vie personnelle. OK, ouais, peut-être. Et c'est vraiment extrêmement bon, Dinamitas, j'y conseille, et c'est super piquant. Oh, OK. Le Queso Picante. On n'a pas testé pas ça ensemble, non. Les Collisions maintenant. En 2007, Doritos a sorti les Doritos Collisions avec deux saveurs distinctes, deux variétés mélangées dans le même sac. On a aussi eu ça au Québec, il y en a encore qui existent sur les tablettes, j'en ai vu récemment. Donc les fans de Doritos Collisions avaient droit à des mash-ups comme El Picante et Fromage Bleu, Hot Wings and Blue Cheese, Zesty Taco and Chipotle Ranch, Habanero and Guacamole, Cheesy Enchilada et Sour Cream, comme ça. Et Pizza Cravers and Ranch, Pizza Cravers qu'on a mentionné tout à l'heure comme saveur throwback. Ça a été assez populaire, mais les Doritos Collisions ont été discontinués quelques années plus tard. Pour vrai, au Québec, on en a encore. Ah oh, ouais? Je les ai vus, la séparation du sac dans le milieu, t'as un côté vert puis un côté orange, je les ai vus récemment. À moins que ce soit du vieux stock. Hein? Non, peut-être qu'ils ont sorti ça pourrait. Mauvaises années, ouais. C'est ça. Ça dépend peut-être si c'était plus populaire ici, on essaie de les garder. J'en ai aucune idée. Ensuite, toujours dans la liste des saveurs de Doritos discontinués, en 7e, c'est les X13D Flavor Experiment. Donc en 2007, Doritos sortait des sacs mystères qui apparaissaient dans les épiceries dans un sac complètement noir et non identifié avec seulement le nom Doritos X13D. Expérience de saveur et leur petit slogan Tasting Notes All American Classic, donc note pour la personne qui a goûté les chips, un classique américain imprimé dessus. Ça faisait partie d'une promotion qui permettait aux fans de nommer la nouvelle saveur mystère qui ressemblait à un goût de cheeseburger. Et c'était vrai, j'ai goûté à cette, une semi-saveur de il me semble que c'était Doritos au cheeseburger. Il me semble que c'était ça. C'est-tu Doritos? Ben, en tout cas, c'est ce que ça dit. Je crois que... Non, mais je me demande si c'était au Canada, c'était la même chose. Ah, peut-être. Parce qu'on avait des sacs argentés au Canada, à un moment donné. Ah, il me semble que c'était ça. Ça, ouais. Ensuite, Late Night All-Nighter Cheeseburger. Ah, c'est peut-être celle-là que vous avez voulu. Voilà. Donc, Doritos a lancé les Late Night All-Nighter Cheeseburger de la saveur précédente. La chips goûtait donc le cheeseburger avec un petit peu de cornichon. Ils ont aussi sorti Late Night Tacos at Midnight et Late Night Last Call Jalapeno Popper en 2008. Je me rappelle avoir goûté à tout ça. C'était super bon. Ensuite, The Quest. En 2008, Doritos a fait un autre concours de sacs mystères nommé The Quest, la quête, où les participants devaient résoudre des puzzles et rassembler des indices pour déterminer la saveur mystère. Quelques semaines plus tard, on a annoncé que la saveur mystère était le Mountain Dew. Qui coïncidait avec la sortie des saveurs Doomocracy de Mountain Dew, où tu pouvais voter pour ta saveur préférée. Il y avait Mountain Dew Supernova au raisin, Mountain Dew Revolution à la barbe à papa et Mountain Dew Voltage à la framboise. Ensuite, ah ben ça tu t'en souviens, on les voit encore en magasin. On les tout voit le temps. Encore ici. C'est les Doritos roulettes après avoir eu du succès en Afrique du Sud, ça veut dire ça. Ça a commencé non, là-bas. Au Venezuela et dans le marché canadien. En fait, ça a commencé, on était dans les premiers pays. Donc Doritos a amené l'édition limitée roulette aux États-Unis en 2015. Chaque sac de Doritos contenait une poignée de croustilles, selon eux, extrêmement épicées. Stéphanie et moi, on avait de la difficulté à faire la différence entre les très épicés et les moyennement épicés. Ah, okay. À l'époque, on les essayait en nombre. C'est ça, en plus d'avoir des fromages traditionnels nachos à l'intérieur du sac, Doritos disait qu'une chip sur 6 dans le sac était tellement épicée que ça pourrait vous faire broyer. Mon Dieu! Ça a vraiment pas fonctionné pour nous. Ensuite, 3D Doritos qui sont sortis dans les années 90 au milieu de la décennie étaient décrits comme Doritos rencontre les Bugles. Tu te rappelles les petits cônes oui, de maïs? Oui. Avec de l'air à l'intérieur, ce qui les rendait plus ronds que les Doritos traditionnels. Les 3D Doritos venaient en plusieurs saveurs, dont Jalapeno Cheddar, évidemment, Nacho Cheese, bien sûr, Zesty Ranch, aussi en version miniature qui sert absolument à rien, vendu dans des cylindres de plastique, un peu comme des Pringles. Les 3D Doritos ont été discontinués au début des années 2000, mais plus tard ont été modifiés et sont ressortis sous le nom de Doritos Jacked 3D en 2015. À la place d'être tout mince avec un centre vide, les Doritos Jacked 3D étaient épaisses et ressemblaient à des Funyuns, une collation américaine qu'on connaît moins ici, mais quand même. Ensuite, Degree Burn. Ça, je me souviens d'avoir essayé ça, et ça pour les fans d'épicé, c'était foutrement épicé. T'as-t'en. En 2010, les Doritos ont sorti donc 3 saveurs limitées. Degree Burn, donc t'avais First Degree Burn, donc brûlé au premier degré, Blazing Jalapeno. Deuxième degré, Second Degree, Burn Fiery Buffalo. Mm-hmm. Et en troisième degré, Burn Scorching Habanero. Donc c'était super rouge, chargé de poudre épicée. Ils ont sorti ça en promotion croisée avec Pepsi, qui avait une nouvelle saveur que je ne crois pas qu'on a eue ici, qui était Pepsi Ceasefire Max Citrus Freeze. Donc, Pepsi cessait le feu aux agrumes. Aux granules? Ah, non, aux agrumes. Okay. Donc, l'idée était que les Doritos allaient vraiment t'épicer la bouche. Et après ça, le Pepsi allait te calmer. Ah, je vois. Ouais. Et pour terminer, la liste des saveurs de Doritos de discontinuer, Smokey Red Barbecue. Intéressant, une autre saveur de barbecue chez Doritos, sortie à la fin des années 90. Ça a été évidemment discontinué plus tard. Une publicité pour cette marque-là, pour cette sorte-là, était la deuxième à mettre en vedette la célèbre, à cause du Super Bowl, la célèbre Doritos Girl, Allie Landry. C'est ce qui a démarré sa carrière. En 2002, Landry a dit « C'est la meilleure chose qui s'est passée dans ma carrière. » Entre autres, c'est au-dessus de la liste versus devenir Miss USA. La publicité de Doritos l'a mis plus sur la carte que Miss USA. Ouais, c'est... Ben, tu sais, Miss USA, ils sont tous pareils. Tu gagnes, c'est comme moi, big deal, t'es une fille, pis t'es belle. Ça veut dire qu'elle est sortie avec Mario Lopez, celle-là? Ça dit ça? Ouais. Ça dit ça où? C'est parce que j'ai écouté le vidéo de la en fait. Okay. Là, ça m'amène vers une autre vidéo. Ah, j'en ai aucune idée. Je ne pourrais pas te dire. Les potins, hein, c'est pas mon domaine. Ça n'est pas encore. Pas des potes de vedette, en tout cas. Ensuite, on continue toujours dans son foutu palmarès avec la liste de déjeuners régionaux qu'on devrait s'approprier aussi. OK. Intéressant parce que, bon, je veux dire, du bacon, c'est bon. Oui. Des œufs, c'est super bon. Mais on pourrait se réveiller avec d'autres choses comme l'odeur du Scrapple dans Delaware ou encore la cure pour le lendemain de veille dans New Jersey qui s'appelle le Taylor Ham. Donc, partout aux États-Unis, il y a des déjeuners particuliers et Mental Floss nous en établit une petite liste. Donc, il y en a 8. Commençons par le Spam Musubi à Hawaï. du spam, ou ce qu'on appelle des fois du cam, mais je sais que c'est pas pareil littéralement, pour déjeuner. Donc Hawaii, ils font ça là-dedans. Ils prennent leur petite canne bleue, qui a une petite vis pour l'ouvrir, puis ils mettent ça, du spam. Vous oubliez, c'est donc une tranche de spam grillé, un peu comme on ferait griller du jambon. Hein? Ouais. Entre deux blocs de riz, okay, enveloppés dans de l'algue séchée. Donc c'est du spam sushi. C'est du sushi spam. Arc. C'est dégueulasse. Ensuite, le goetta en Ohio. Goetta, c'est un mélange d'épaules de porc, de bœuf, d'oignons, d'épices, de céréales. Ça s'appelle les pinhead oats. Ça a l'air bizarre, mais c'est donc un déjeuner dans le Cincinnati métropolitain. Ça se prononce du goetta et non pas du go. Comment je dis ça? Goetta, j'ai dit goetta. Hein. C'est comme des goetta. Goetta. Ça, c'est goetta. Un produit donc, de ses racines allemandes de Cincinnati. C'est célébré là-bas avec leur propre festival, le Gliers Goetta Fest à Newport dans le Kentucky. Les amateurs de viande devraient noter que le prochain Goetta Fest est en août 2017. Jusque-là, vous pouvez faire votre propre Goetta, bien sûr, avec des recettes en ligne. Il faut aussi vous faire des œufs et des petites patates, et des crêpes et du sirop qui sont aussi populaires, bien sûr, là-bas. Ensuite, est-ce que tu connais les grits dans la vie? Les grits? Non. C'est un plat du sud des États-Unis. Donc, le prochain plat vient du sud. Ça s'appelle les shrimp and grits. Donc, c'était un déjeuner rapide pour les pêcheurs bien occupés. Ça a évolué. C'est devenu un des comfort food, comme on dit, les plus populaires dans le sud. Les gens du sud donc, vont habiller. C'est comme un genre de gruyot, pour commencer. Un genre de gruyot qui a l'air vraiment de la consistance de quelque chose que t'as envoyé le lendemain de ta soirée. Hein? À Chasse-Galerie, ouais. Donc, du porridge mélangé avec des fruits de mer et du cornmeal, je me rappelle pas c'est quoi. C'est du truc de maïs, là. Ouais. Un petit peu, je me rappelle pas. Je vais aller voir pour être sûr. Cornmeal. C'est des épis de maïs, non? Non. C'est pas de l'amidon de maïs. C'est quoi? C'est du c'est de la farine de maïs, voilà. Oui. Farine de maïs. Avec par-dessus du bacon, des jalapenos, des petits piments forts, et puis des champignons. Ah bon? Miam, miam, miam. Je déteste la pub de Jérémy Demé pour un restaurant quelconque qui dit des jalapenos. Des jalapenos. Ou français. Ensuite, Taylor Ham. On a parlé de ça en début d'article. Ça vient du New Jersey, le Taylor Ham. Sinon, ça pourrait être des roulés au porc, dépendant de qui vous répond à cette question-là. C'est un favori de la côte Est depuis 1856. C'est John Taylor de Trenton, dans New Jersey, qui a amené cette recette de rouleaux au porc. Donc, le Taylor Ham est tranché, grillé, servi sur un petit pain fourré, là, genre. Mm-hmm. Ça s'accompagne habituellement d'œufs, et de fromage. Plusieurs types de rouleaux au porc sont servis partout dans le monde, mais les gens du New Jersey disent que le secret de la recette du Taylor Ham est la seule recette. Donc, on a même présenté un projet de loi en avril 2016 pour s'assurer que ce soit le sandwich officiel de l'État du New Jersey. Oh, ouais? Ouais. Ensuite, les beignets de la Nouvelle-Orléans. Ça, c'est un classique. On entend souvent parler de ces beignets de la Nouvelle-Orléans, mais qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? Donc, le matin, commence toujours avec du sucre en poudre. Des glucides. Voilà. Donc, rien de moins. Rien de moins. Le beignet, qui est une pâtisserie fabriquée de pâtes frites, est originaire de France. Ça a évolué en tant que plat créole. C'est servi frais et chaud. Donc fraîchement fait ainsi que chaud comme dans la chaleur, avec des bananes de plantain, c'est bien sûr qu'on appelle ça des plantains, bananes de plantain, et un petit peu de sucre en poudre. En fait, quand on regarde ça, c'est pas un petit peu, c'est comme c'est comme beaucoup, mettons plusieurs pincées, une poignée, je dirais, de sucre en poudre, mais minum minum. Ensuite, on s'en va en Nouvelle-Angleterre pour découvrir les Johnny Cakes, une recette qui demande seulement de la farine de maïs. Oh. Le susmentionné farine de maïs. Oui, c'est là. Ça. De l'eau bouillante et un petit peu de sel et de poivre. Le Johnny Cake ressemble à donc un déjeuner plutôt ennuyant, mais c'est une tradition en Nouvelle-Angleterre. Depuis les pèlerins, c'est-tu les... Encore un autre mot que je vais devoir chercher. Je me rappelle jamais de ces affaires-là. C'est des mots qu'on sert jamais. Mm-hmm. Les pilgrims. C'est ceux qui... dans l'histoire, les pèlerins, c'est bien ça. J'avais dit comme faux, c'est les pèlerins. Il avait dit comme faux. Casse pas ta tête, man. Donc, depuis le début des pèlerins, l'arrivée des pèlerins à Plymouth, en Nouvelle-Angleterre, leur céréale c'est donc gâchée, si on veut, a passé date sur le Mayflower pendant leur voyage jusqu'aux États-Unis. Et les pèlerins ont adapté et appris à cuisiner avec ce maïs-là, comme les Amérindiens le faisaient à l'époque. Ah. Donc, aujourd'hui, les Johnny Cakes sont servis avec du sirop d'érable, du miel et une variété d'autres garnitures, comme des fruits, j'imagine, ce genre de choses. Probablement. Ensuite, on a parlé en début de chronique cette portion de la chronique du Scrapple. Ça vient du Delaware. C'est un peu de morceaux de porc combinés avec de la farine de maïs et de la farine normale. Donc, le Scrapple, c'est un peu des déchets de plein de choses, comme un ramasse-plein d'affaires. Ouais. Donc, des restants de foie. Des restants de cœur de cochon, des restants de bec, des museaux de cochon. Ah! Il y a tout ça là-dedans. Les résidents du Mid-Atlantique disent « Don't ask, don't tell ». Donc, ne nous posez pas la question, nous ne vous répondrons pas. Faites juste manger du Scrapple. Et ça fonctionne dans le Delaware, c'est ce qu'ils mangent. C'est le pire de la gang, celle-là, je sais. Et finalement, celui-là, pour récupérer un petit peu la mise à la fin, c'est les Enchiladas Montadas. Dans le Nouveau-Mexique, les Enchiladas Montadas. Donc, ça prend l'enchilada traditionnelle et ça fait un gros déjeuner vraiment trop cochon. Là. Ouais. L'assiette est ridiculement remplie d'affaires. Donc, l'enchilada Montana, c'est des enchiladas remplies de sauce rouge ou de sauce verte, d'oignons et de fromage en couches. Et la cerise sur leur ensemble, c'est un œuf frit. Donc vraiment, c'est super gras. Tu vois, il y a des effilochés de poulet. Il y a de la viande partout. Et tu pourras avoir, j'imagine, du fromage là-dedans. Des piments forts un petit peu partout. Ça doit être super épicé comme déjeuner. Ça doit être claqué. Là. Miam. Tu dors comme 3 heures après avoir déjeuné. Ah oui. Mais tu sais, pour vrai, est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur qu'une sieste le matin après avoir bien déjeuné? Il n'y a pas grand-chose de meilleur qu'une sieste présentement. T'as pas déjeuné en plus. J'ai déjeuné. T'as déjeuné, OK. Est-ce qu'on... le prochain est vraiment court. On va continuer. Ben oui. Pas. Allons-y. Tant qu'à faire du son foutu palmarès, on fait pas ça souvent. La version quotidienne va ramener, j'espère, une fois de temps en temps, cette chronique-là, quand le temps le permettra. On y va avec 12 faits savoureux sur le bacon. Le bacon est partout. Partout, tu dis? On peut le trouver dans de la crème glacée, dans du café, dans des petits gâteaux, dans de la gomme à mâcher. Il y a même des chandelles au bacon, du baume à lèvres au bacon, même un désodorisant au bacon. Ah, là, oui, wow. Je te jure. Il y en a partout, mais il faut parler de son origine, pourquoi c'est devenu aussi populaire. Donc, quelques faits sur le bacon. Ça date de 1500 avant G.C. Lauzon. Les Chinois étaient les premiers à faire cuire des ventres de porc salés. Il y a plus de 3000 ans. Donc, le bacon est une des viandes process les plus vieilles au monde. Oh, mon Dieu. Ouais. Les Romains appelaient ça le pétasso. OK. Espèce de pétasso. Le bacon, éventuellement, a migré vers l'ouest. C'est devenu un plat qui était valable pour nous aujourd'hui encore. Donc, c'est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui. Mm-hmm. Les Romains appelaient ça le pétasso. Donc, ils faisaient bouillir des épaules de cochon avec des figues. Et ensuite, ils assaisonnaient tout ça avec de la sauce au piment. Donc, le vin était bon pour accompagner le bacon, le pétasson. Tout le temps. Allez, toujours. Le mot fait référence au dos d'un cochon, bacon, comme dans Bach. Ça vient de la racine allemande Bach, B-A-K, et fait référence au dos du cochon, d'où vient la viande. Bacco est devenu le français Bacco, B-A-C-C-O. Donc, au début, c'était B-A-K-K-O. Ensuite, le français Bacco, B-A-C-C-O. Et les Anglais ont adapté ça au 12e siècle en renommant le plat Bacoon. B-A-C-O-U-N. À l'époque, le terme faisait référence à n'importe quel produit du porc. Vraiment n'importe quel produit. Mais au 14e siècle, le bacoon a commencé à faire référence à la viande qu'on appelle maintenant le bacon. Ah. La première usine de bacon a ouvert ses portes en 1770. My God, quand même. My God. Pendant plusieurs générations, les fermiers locaux et les bouchers faisaient du bacon pour leur communauté locale. En Angleterre, c'est devenu donc quelque chose qu'on utilisait dans la diète moyenne, le régime moyen. Le bacon était de la viande séchée avec du sel et ensuite on la fumait. À la fin des années du 18e siècle, un homme d'affaires nommé John Harris a ouvert la première usine de bacon dans le comté de Wiltshire. Wiltshire. Il a développé donc une solution spéciale pour finir la viande qui s'appelle du brining. Le Wiltshire Cure, une méthode qu'on utilise toujours aujourd'hui, est un favori des amateurs de bacon qui préfèrent un goût moins salé, un petit peu plus sucré. C'est ce qu'il a fait. Ensuite, la phrase « bringing home the bacon », ramener le bacon à la maison, comme on appelle, mettre du pain sur la table. Mais l'expression date de plusieurs siècles aussi. De nos jours, la phrase fait référence à ramener de l'argent Exactement. À la maison, mais l'origine n'a rien à voir avec l'argent. Étrangement. Au 12e siècle, en Angleterre, les églises donnaient un flitch, un accompagnement de bacon à n'importe quel homme marié qui jurait, promettait devant Dieu que lui et sa femme ne s'étaient pas chicanés depuis 1 an et 1 jour. Oh my God! Les hommes qui ramenaient le bacon à la maison étaient donc des citoyens exemplaires, de bons maris. Hein? J'espère que c'est une blague. Ben non, c'est vraiment intéressant. C'est sûr que les petits curies sont toutes faites avoir. Ensuite, ça a aidé à faire des explosifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, le bacon. Ah ouais? En plus, donc, de planter les jardins de la victoire et d'acheter des war bonds aux États-Unis, les maisonnés étaient encouragés à donner le restant de graisse de bacon pour les efforts de guerre. Donc, les gras créaient de la glycérine qui, ensuite, pouvait créer des bombes de la poudre à fusil et d'autres munitions. Un film promotionnel mettant en vedette Minnie Mouse et Pluto, le chien de la série de Mickey Mouse. Donc, encourager les femmes, les ménagères, de ne pas jeter donc leurs 2 milliards de livres de graisse à chaque année, l'envoyer à la place aux efforts de guerre. Il disait dans la publicité que ça c'est de glycérine pour 10 milliards de cannon shells, donc des trucs de canon là, pour tirer. On va essayer de l'écouter, je pense, pour le fun. Est-ce que c'est bien long? Est-ce que tu as regardé? Ben, je suis en train de le regarder. Ça dure 3 minutes 20. On va regarder en gros. Là. Ah, c'est bon. On voit un poêlon qui verse de la graisse et ça dit « Out of the frying pan into the firing lane ». Donc, on sort de du poêlon et on s'en va directement dans les champs pour tirer. Là, donc, j'imagine que c'est Minnie Mouse qui est en train de faire cuire du bacon et des œufs. Oui, sur un petit banc, parce que le four est grandeur nature, mais Minnie Mouse ne l'est pas. Plutôt est en train de manger dans son bol. Sans l'odeur de la graisse de bacon, ses oreilles frétillent. Mais non, mon bol est plat, il y a des œufs dedans. Minnie dit, ah, regarde, je fais de délicieuses, peu importe, du délicieux bacon. Plutôt fait, oui, t'as ses os. Et là, Minnie Mouse arrive et verse le bacon. Est-ce qu'elle va le verser ou va le jeter directement? Non! Ne jetez pas cette graisse de bacon! Ménagère des États-Unis, une des choses les plus importantes à faire est de garder votre gras de cuisine. Qui sort de votre poêlon. Nous avons besoin de millions de livres ou de millilitres, peu importe, de graisse pour gagner la guerre. Et le bacon fabrique de la glycérine. La glycérine fabrique des munitions. Là, il parle, comme on disait tantôt, des 2 milliards de livres de graisse qui sont jetés par année. Donc, on les voit se verser dans un entonnoir, comme on se rappelle le mot d'hier. Oui. Ça dégoûte. Et là, les gouttes de gras deviennent des balles. Et là, ça fait le tour du monde, les balles. Un peu de graisse de bacon est une petite usine de munitions. Et là, les feux d'artifice dans le poêlon. Donc, c'est ça, on comprend pour le reste, ça va se répéter 2-3 fois. Ça devient des avions, ça devient des canons, ça devient des boulets, ça devient peu importe. Le bateau coule comme dans Battleship avec ses canons. Et on prend le gras. Et le reste se répète sans cesse. Mais c'est une bonne petite publicité quand même. Oui. Est-ce qu'il y a une petite fin genre That's All Folks? On va aller voir ça. So you want weenies instead of money. Okay, catch 'em. Ah, et là, Pluto peut manger ses belles saucisses. Et là, il y a un drapeau américain dans les airs. C'est Pluto qui l'a sur la queue. Oh, c'est cute. Il est tout fier. Gardez votre gras pour fabriquer des explosifs. C'est tellement violent. Cherchez l'insigne Official Fat Collecting Station dans la fenêtre de votre épicier. La fin. Une production de Walt Disney en Technicolor. Ah, que c'était beau. J'aime ça. Là. C'est beau. C'est beau. Oui. Pluto est tellement cute, Pluto. On était donc dans la liste des faits sur le bacon. Il nous en reste que quelques-uns. Commençons par le Frisco Burger qui a changé un peu le bacon. C'était chez Hardee's, les restaurants, en 1992. Donc le bacon dans les années 80 allait moins bien parce que la diète était revenue. Tu sais, c'est cyclique ces affaires-là. Ouais. On a la mode de manger santé, la mode de manger gras. La mode de manger santé, la mode de manger gras. Tout le temps. Donc dans les années 90, les Américains étaient prêts à recommencer à manger du bacon. Hardee's, pardonnez-moi, Frisco Burger était donc un des premiers burgers de fast-food servi avec du bacon. C'est sorti en 1992, c'était un grand succès. Ça a ramené le bacon comme ingrédient et ça a convaincu d'autres compagnies de fast-food à baconiser leurs burgers. Bloomberg a dit que c'était un événement important pour le fast-food et pour la destinée du bacon aux États-Unis. L'Américain, vas-y. J'imagine que McDo les a remerciés à un certain point. Absolument. Et Crème, ils en mettent-tu partout? Hein? Avec la nouvelle machine à écran tactile. Ou que tu peux personnaliser tes sandwichs. More. Extra bacon. C'est vrai. L'Américain moyen consomme 18 livres de bacon par année. Oh my God! Oui, savoureux, épicé, salé, disons, et rétro. Donc, depuis les dernières années, c'est très à la mode, le bacon. Plus de 3/4 des restaurants servent maintenant des plats avec du bacon. Ça peut être tout, ça peut être des cannes de bonbons, ça peut être des gommes. On a déjà goûté ça à salle d'émission il y a quelques années. Donc, avec du bacon dedans. Récemment, on a dit que ces viandes-là augmentaient peut-être le risque de cancer. Et ça fait que les gens en consomment un petit peu moins. Et ça pourrait avoir un effet prolongé. Mais pour l'instant, l'histoire d'amour des États-Unis avec le bacon continue. Mais ça descend un petit peu. Mm-hmm. Parce que les gens sont préoccupés par leur santé maintenant. Il y a une église du bacon. Non. Oui, officiellement sanctionnée, une église avec 13 000 membres sous le commandement Praise Bacon, donc que le bacon soit loué. C'est un cri de ralliement pour les athées et les sceptiques. Plus que pour les amoureux du bacon, si on veut, il n'y a pas d'endroit officiel où aller se rassembler. Mais l'église performe des cérémonies de mariage et ramasse des fonds. Ils ont ramassé des milliers de dollars pour des œuvres de charité. Tout le monde peut donc évidemment louer le bacon, comme dans Praise, là, comme dans le... les remercier. Même si vous êtes, végétarien ou encore amoureux de du bacon de dinde, que j'ai jamais compris, c'est pas, ça goûte pas du tout le bacon, cette histoire. Ça goûte pas le bacon, non. Mais c'est pas du bacon, c'est de la dinde. C'est ça, puis c'est bon pareil. Ça fait que ça veut dire que c'est du dos de dinde. Ouais, mais quand t'as une rage de bacon, ça ne la satisfait pas. Non, pas vraiment. C'est quand même bon. Oui, il y a aussi un camp du bacon. C'est comme un camp d'été, mais avec moins de canaux, plus de bacon, comme on dit. C'est vrai. Ça se passe à chaque année dans Ann Arbor, dans le Michigan. Camp Bacon, oui. Avec des conférenciers, des classes de cuisson, de cuisine, d'autres activités reliées au bacon pour les chefs et personnes qui aiment ça pour en apprendre plus sur leur nourriture préférée. Ensuite, la technologie moderne va vous aider à vous réveiller et à sentir le bacon. Au lieu de « wake up and smell the coffee », ça va être « wake up and smell the bacon ». Une combinaison ingénieuse de toaster, grille-pain, et de réveil matin. Le « wake and bacon », comme dans « shake and bake »,« wake and bacon ». A fait des vagues il y a quelques années avec la promesse de vous réveiller avec du bacon fraîchement fait. Tristement, le produit n'a jamais réussi à se rendre au-delà de la phase prototype. Mais ceux qui ont l'intention de savourer cet arôme peuvent se procurer l'application spéciale de Oscar Mayer qui vient avec un attachement que tu branches sur ton cellulaire et qui donne l'odeur du bacon. C'est vrai. Ben, je te jure. Ah, mon Dieu. Il y a un lien sur assemblagerequis.com si vous voulez aller voir ça. Et finalement, il y a une sculpture en bacon de l'acteur Kevin Bacon. Ça devait arriver. Ouais, c'était clair. Ça là, c'était prévisible. Immanquable. Donc, l'artiste Michael Lahue qui a utilisé 7 bouteilles de bacon bits, même pas du vrai bacon. Il a pris des morceaux, tu sais, des copeaux de bacon. Beaucoup de colle et 5 couches de lac pour créer un buste de la vedette de Footloose qui s'est vendu aux enchères il y a quelques années. On sait pas si ça a réussi à tenir autant d'années, mais avec des bacon bits, je ne suis pas certain. Hey, on a réussi à passer à travers les 3 articles au complet. C'est pas magnifique. Génial. C'était son foutu palmarès. Les liens sont dans les notes de l'émission d'Assemblage Rocky numéro 994. Au retour de la pause, ça va être Tania is gonna tenir. Oh. Parce qu'on veut finir avec une grosse pointe à l'adresse. On revient dans quelques instants, Assemblage Rocky. Assez là. Toujours à Assemblage Rocky, en ce jeudi 22 septembre 2016, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dans quelques instants, ce sera justement Tania is gonna entertain ya. Mais avant ça, une petite chanson, parce que ça fait un petit bout qu'on n'a pas entendu. Ben oui. Et ça me rappelle ma barre de remplacement de repas que je mange en ce moment. Mm-hmm. Au chocolat, mocha et à quelque chose du genre. Hein? C'est vrai. Fait que voici le groupe Chocolat et la pièce Les Pyramides. Oh! chocolat avec les pyramides à assemblage requis. Ah, ça donne faim, ça. Ça donne vraiment faim. Ça s'en vient, Mathieu, ça s'en vient. Non, mais j'ai mangé ma barre, je devrais être correct. Ah, tu devrais être correct. Hein, c'est ça. Mais on va toujours avoir faim de t'entendre plus. Oh mon Dieu. Faim de toi, ça a l'air drôlement sexuel. Ouais. Voici Tania is gonna entertain you. Vu comme ça. Ouais. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain you. Choco, choco, choco, chocolat. On se tente pas d'entendre non, au complet. Non, pas tout. Hein. On a dit en début de semaine qu'on la ferait plus au complet. En plus. Ben, la tradition est le lundi, on la fait au complet, puis le reste de la semaine, on la fait juste normal. C'est vrai. Mais on n'est pas capable de se retenir parce non. que ça nous met dedans pour ta chronique. Tania is gonna entertain ya. Voilà. Oh shit, it's oh coming, ça se passe. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Bien, je l'ai dit un petit peu en début d'émission. Je vais faire un survol. Oh. Voilà. Un wrap-up. Un wrap-up, ouais. Disons ça comme ça, de ce qui a retenu mon attention dans l'actualité cette semaine. Wow, t'es une fille au courant. Mais c'est pas nécessairement quelque chose dont je parle très, très souvent parce que, justement, il y a Génie en liberté qui est une émission d'actualité. Jeudi matin, 9h30. Jeudi matin, 9h30. Il y a la sortie de secours est à votre gauche. Lundi, 11h à partir du 26 septembre. Et voilà. Donc, il y a quand même des émissions d'actualité, mais dans notre émission, parfois, je me dis... Mais tu sais, ça se peut que je pense pas nécessairement comme eux, puis ça se peut très bien que je m'attarde pas non plus aux mêmes articles d'actualité que les deux Peut-être gars. Peut-être pas, mais tu sais, c'est ça, pour vrai, c'est la beauté de C'est fou, c'est la beauté d'Assemblage requis, tu sais, c'est fou, c'est rempli de diversité d'opinions, mais Assemblage requis, on est très, très intemporel pour rejoindre le plus de gens possible à peu importe le moment qu'ils nous écoutent, que ce soit en reprise, que ce soit l'hiver prochain, peu importe, n'importe quand, on parle rarement de choses qui sont très, très dans le présent. Pour être le plus divertissant possible. C'est ça. Mais là, on a le droit d'en parler aussi. Ben oui, mais vous allez voir, c'est très, très diversifiant. Diversifié aussi. C'est pas... Tu sais, c'est intemporel parce que c'est sorti cette semaine, mais vous allez voir que c'est quand même des sujets qui peuvent très bien se parler dans un mois, par exemple. C'est pas de l'insolite, là. C'est pas de l'insolite. Okay. Non, non, non. Il y a pas personne qui a mangé des plantes ou quoi que ce soit. Super. Pas de chute tombée d'un arbre. Non. Le premier article dont je vais vous parler, c'est sorti hier, un petit peu partout sur Internet, puis c'est comme ça vraiment que j'ai mis la main dessus. C'est l'actrice Emma Watson qui est retournée faire un discours pour l'ONU. Oui. On le sait, elle est très, très impliquée pour la campagne He for She, lui pour elle, qui est une campagne de sensibilisation pour les hommes envers le féminisme. Mmh. Donc, on essaie en fait tout simplement d'amener les hommes à se poser les mêmes questions que les femmes pourraient se poser pour avoir cette certaine égalisation-là à un certain point. Donc, à New York, l'actrice Emma Watson a présenté le premier bilan de la campagne Impact 10 par 10 par 10 de l'ONU Femmes, qui concerne notamment 10 universités à travers le monde, parmi lesquelles il y en a certaines un petit peu partout, entre autres aux États-Unis, mais aussi en Europe. Donc, elle est quand même diplômée de la prestigieuse université de Brown depuis 2014, et l'actrice Emma Watson, bien, elle a décidé de se replonger dans le grand bain de l'enseignement supérieur. Là, on a décidé de reprendre les universités comme exemple un petit peu pour l'ONU, mais cette fois-là, elle l'a fait par le biais de la campagne E4She, le mouvement de l'ONU qui incarne depuis 2 ans, qu'elle est porte-parole depuis 2 ans. Donc, lors de la soirée du deuxième anniversaire d'E4She, qui était mardi soir, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, bien Emma Watson a présenté le projet University Parity Report 2016. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est un rapport qui vient conclure la première année de la campagne. Et de la campagne, je vous parlais tout à l'heure, c'est Impact 10 par 10 par 10, qui a été lancé en 2015 et qui visait à impliquer 10 chefs d'État, 10 chefs d'entreprise et 10 présidents d'universités dans l'égalité des sexes. Ouais. Donc, les 10 universités concernées sont réparties à travers le monde, comme je le disais, entre autres en Afrique du Sud, à Hong Kong, aussi au Japon, Oxford, le Royaume-Uni. On parle aussi du Brésil, Georgetown, Stony Brook aux États-Unis, Waterloo au Canada, hey! Et Science Pro en France. Donc, on y va vraiment partout sur la Terre. On ratisse large. Oui, exactement. Et c'était quand même... Je peux pas vraiment vous dire tout le discours parce que le discours en entier n'a pas sorti sur Internet encore, mais il y a quand même certains bouts qui ont été postés sur les médias sociaux, que ce soit par l'équipe d'Emma Watson elle-même ou que ce soit par l'ONU. Et elle remercie en fait ces chefs d'université-là de s'être impliqués comme ça et qui a quand même une grande importance. Et elle amène aussi dans le discours à un certain point cette fameuse... je veux pas dire vague, mais il y a une conscientisation qui se fait de plus en plus. Comme exemple, l'année dernière, Corias est venue ici à l'université pour faire une sans oui, c'est non. Exactement, une conférence sur la violence sexuelle, mettons, disons ça comme ça. Et c'est un petit peu ce qu'elle a fait aussi dans la même forme hier dans le discours. Alors, j'ai très, très hâte de voir si le discours va sortir sur Internet dans son entier parce que ça m'intéresse beaucoup de savoir qu'est-ce qu'elle veut dire sur ça et qu'est-ce que les chefs des États-Unis, ben pas des États-Unis, mais les chefs des universités vont aussi dire par rapport à ça parce qu'on sait que dans les universités, parfois, on peut prendre ça pas nécessairement un petit peu plus à la légère, mais comme on est dans un cadre d'enseignement presque privé à un certain point qui est supérieur, qui est là où tu te dis t'es une adulte, mais parfois peut-être que l'université peut arriver à se détacher de certaines situations comme ça. La meute, là, les loups, les trucs de même, là, comme l'année passée. Exactement. Donc, c'est quelque chose que je crois qu'on va entendre parler de plus en plus dans la prochaine année. Donc, c'est un des articles qui a retenu mon attention. Un autre qui est de Mark Zuckerberg. Ben oui, Facebook. Ben oui, monsieur Facebook, qui veut donner 3 milliards de dollars américains, donc US, pour éliminer les maladies. OK. C'est un article qui est sorti hier sur lesaffaires.com, un blog qui parle quasiment juste justement de marketing puis ben oui, hein. D'affaires puis de j'aurais de jamais business. Pensé par le nom. Hein. Non, hein, c'est... Donc, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, et sa femme ont promis mercredi, donc hier, c'est vraiment tout récent, de verser 3 milliards de dollars dans la décennie à venir pour contribuer à la prévention et à la guérison des maladies et de cette façon-là, s'assurer un avenir plus sûr pour leur petite fille. Donc, tu sais, tu vois, il y a quand même... Juste la leur. Ben, pas juste la leur, mais automatiquement, quand quelqu'un veut arriver à un but, c'est parce qu'il y a quelque chose d'émotif. Ouais, ça me dérange un peu, ça, d'habitude, mais là, dans ce cas-là, au moins, il y aide vraiment beaucoup. J'imagine que ça va faire de la recherche en masse, 3 milliards de dollars. Ben, c'est ça, c'est sûr, ça, c'est sûr et certain. Et c'est la femme du fondateur de Facebook qui a eu l'honneur de faire l'annonce officielle devant un parterre d'invités qui était assez remarquable. Donc, docteur de son état, Chan Zuckerberg, a prononcé un discours qui était très émouvant sur son expérience au contact des enfants malades. Si vous voulez aller voir, je posterai l'article sur la page Facebook d'Assemblage Requis parce que ça dure quand même très longtemps puis c'est en anglais et je vais pas automatiquement vous faire jouer ça ce matin. Mais elle en discute beaucoup et elle dit que c'est... Mark Zuckerberg dit que c'est un objectif quand même très ambitieux. Ben oui. Il l'a dit en l'annonçant que le don était remis à l'association montée par le jeune entrepreneur et sa femme qui est Priscilla Chan. Donc, il dit « Nous avons passé ces dernières années à en discuter avec des experts qui estiment que c'est possible. Donc, on va essayer de creuser le sujet et j'ai bien hâte de voir si ça va arriver justement à des grandes recherches, si on va investir un petit peu partout ou si on va juste investir aux États-Unis. Mmh. Mais automatiquement, c'est sûr que, comme tu le disais, ça va amener des recherches qui vont probablement amener de bons résultats. Oui, même si c'est espérons-le, espérons-le. C'est ça, ça va faire des petits, ça va faire du chemin. Oui, au niveau mondial, c'est sûr. Mm-hmm. Il y a l'ex-président de la Jeune Chambre de commerce de Montréal qui a lancé quelque chose cette semaine qui est très, très intéressant. On parle de lancer le Tom's Shoes. Des services juridiques. Qu'est-ce que c'est exactement? Ouais. Je vous explique. Eh bien, c'est l'avocat Ryan Healy, qui est l'ex-président de la Jeune Chambre... Pardon, de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, comme je vous le disais, et l'avocate Sophie Tremblay, qui ont lancé hier, donc le 21 septembre, le cabinet Novalex. C'est... Eux, ils décrivent ça comme étant le Tom's Shoes des cabinets juridiques, soit le modèle 1 pour 1. Pour chaque heure facturée à un client d'affaires, Novalex va offrir une heure de service juridique gratuit, donc pro bono, à un individu à faible revenu ou au BNL ou une start-up en affaires depuis moins de qui est là depuis moins de 12 mois. Ah, wow, c'est vraiment bien ça. C'est, ouais, comme, hein? C'est comme le modèle de t'acheter quelque chose et ça en donne un enfant pauvre à quelque part. C'est le même genre de modèle. Exactement. Donc, ouais. Il disait, lorsque je présidais la jeune chambre de commerce de Montréal, il dit, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs innovants. Il m'est apparu qu'il y a de nombreux secteurs innovants davantage et plus rapidement celui des services professionnels. Il dit, ça l'a inspiré. Je me suis demandé comment réinventer la prestation des services juridiques et peut-être influencer d'autres services professionnels. Donc, c'est quand même une très, très bonne idée. Ouais. Puis, je pense pas qu'il y ait de quoi que ce soit de négatif, non, absolument pas, à dire là-dessus. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'implications pour eux, mais ça vaut vraiment la peine. Exactement. Tu sais, on pousse le pro bono et la gratuité un petit peu plus loin dans ce moment-là. Ça, c'est le grand cabinet juridique qui ont déjà une tradition pro bono. Il y en a certains qui l'ont déjà, qui le font déjà. Leurs avocats peuvent généralement consacrer jusqu'à 5 % de leur temps à des mandats totalement gratuits. Donc, toutefois, au-delà de cette proportion-là, il y a leurs heures pro bono qui ne sont pas comptabilisées dans les heures annuelles total, bien évidemment. Celui ou celle qui fait un don, par exemple, de 7 % de ses heures, va donc avoir un déficit de 2 % par rapport à sa cible de productivité. Mais 2 % sur une cible de productivité, c'est... pour avoir aidé, genre... Un, tu te sens mieux. Deux, les gens se sentent mieux parce que tu les as aidés. Comment voir du négatif là-dedans? Il y a personne qui perd là-dedans, tout le monde gagne. Non, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Il dit l'argument de Novalex pour vendre ses services à ses clients payants, parce que bien évidemment, si c'est un client de système... Fais-moi ça gratuit. Ben oui. Si c'est un client de système juridique puis qu'on te charge un petit peu plus cher, tu dis, OK, est-ce que je suis en train de payer pour ceux qui peuvent pas payer? Ouais. Donc, le jeune entrepreneur dit qu'ils vont leur parler de responsabilité sociale à la base. Donc, toutes les organisations vont affirmer vouloir assainir leur chaîne d'approvisionnement, traiter avec des fournisseurs responsables, mais qu'elles oublient souvent que les fournisseurs de services professionnels, surtout les avocats, donc ils vont rappeler à leurs clients et à leurs clients potentiels qu'ils vont contribuer à augmenter leur impact social et leur bonne image, bien évidemment. Donc, ils pourront lire sur leur facture que grâce à eux, il y a un individu ou, par exemple, un OBNL ou une entreprise en démarrage qui a profité de X temps de services juridiques gratuits grâce à eux. Wow. J'espère que ça va inspirer des gens à faire pareil dans d'autres compagnies. Ben, je trouve ça tellement cool comme système. Absolument. Tu sais, j'ai des amis qui ont étudié en droit, puis pour pouvoir faire ton stage, on te demande déjà à la base de faire cette espèce de circonstance-là où tu vas travailler pour justement un organisme qui va faire des frais totalement gratuits pour des gens dans certains quartiers, par exemple à Montréal. Donc, de voir que ça peut aussi se transposer dans un cabinet d'avocats. Mais là, un pour un en plus. Oui, exactement. Ouais. Un pour un, c'est vraiment génial. Ouais. Il y a un gros sujet ici même à Trois-Rivières qui est sorti depuis quelques jours, c'est Alexis Vadeboncœur. Je ne sais pas pour certains si vous vous rappelez, mais c'est un jeune homme qui avait été arrêté parce qu'il avait volé des narcotiques dans une pharmacie de Trois-Rivières il y a déjà quelques années de ça. Mais là, c'est le procès depuis les deux dernières journées. Pourquoi est-ce qu'il y a un procès aussi important à Trois-Rivières? C'est parce qu'il y avait eu 4 policiers qui étaient quand même impliqués pour coups et blessures à la victime. Ben, à la personne qui s'est fait arrêter. Hier, bien, il y a un article du Nouvelliste qui est sorti qui dit que Alexis Vadeboncœur a avoué avoir menti. Sur quel point est-ce qu'il a avoué avoir menti? Je vais vous lire un petit bout de l'article du Nouvelliste. Ça dit que Vadeboncœur, qui était témoin de la couronne, a passé certains moments à se contredire durant son contre-interrogatoire qui a été mené mardi au Palais de justice de Trois-Rivières et qui représente... Les avocats qui représentaient respectivement certains des policiers qui ont été arrêtés lui ont posé quelques questions et J'ai vraiment aujourd'hui, ouais, c'est ouais, hein, j'ai une pastille de miel comme au palmarès, c'est fou. Oui, c'est, je devrais peut-être faire ça. Donc, Alexis Vadeboncœur a avoué avoir fait de la prison, disant avoir mal compris certaines questions parce qu'on lui avait posé la question « Est-ce que tu as déjà fait de la prison au Mexique? » La réponse avait été non. Par la suite, ils ont sorti des documents qui expliquaient qu'il avait fait de la prison au Mexique. Donc, il dit « J'avais mal compris la question. » Toutefois, Vadeboncœur a affirmé ne jamais avoir été accusé de quoi que ce soit dans ce fameux dossier-là. Par la suite, il y a eu d'autres questionnements qui étaient par rapport à son passage en cour lundi. Donc, on est revenu sur des questions qui avaient déjà eu lieu la veille. Pour certains, c'est les avocats qui ont posé des questions. On a insisté sur les bris d'engagement du dossier de Vadeboncœur. Il est revenu sur le crime du 2 février 2013. Donc, on a quand même un bon dossier de crime du côté du jeune homme, malheureusement. On a rappelé que Vadeboncœur portait une cagoule, qu'il avait braqué une arme qui était un pistolet jouet à ce moment-là, oui, mais il n'y a pas personne pas qui le sait. Donc, on a braqué une arme en direction du personnel de la pharmacie pour avoir finalement les fameux narcotiques. Ça ne t'entend pas assez dans une pharmacie. Dans une dépanneur, tu signes pour ça. Je sais que je vais probablement avoir ça, mais dans une pharmacie. Oui, oui. Et il a aussi dit qu'il avait alors atteint un degré de dépendance considérable aux narcotiques, ce qu'il a aucunement nié, bien évidemment. Un des avocats a pour sa part ramené le témoin au 3 avril 2014. À ce moment-là, Alexis Vadeboncœur avait plaidé coupable à une série d'accusations, dont vol qualifié, port de déguisement dans un dessin criminel, aussi entrave à l'égard des agents qui étaient en cours avec eux. Vadeboncœur, donc le jeune garçon pour qui on fait le procès, mais aussi le procès des 4 autres policiers, a reconnu avoir plaidé coupable à cette dernière accusation, bien qu'il soutient ne pas être coupable d'avoir commis un tel geste. Il y a plein de raisons pour ça, là, mais on ne sait pas pourquoi. Oui, c'est quand même flou un petit peu, et Vadeboncœur a répondu qu'il avait agi ainsi pour libérer sa conscience et éviter de subir un procès pour ainsi sauver des frais à l'État. Donc, c'est Colin. Okay. C'est gentil, hein? C'est donc, mon nouveau héros. Oui, oui, c'est ça. Donc, le tout faisait partie d'une entente globale afin de régler tous ses dossiers en même temps. Il ne voulait pas nécessairement avoir à gérer plusieurs dossiers en même temps. Donc, il dit qu'il a répondu à certains chefs d'accusation de certaines façons pour que ça se conclue le plus rapidement possible. Right. Donc, il y a l'avocate d'une des policières qui est impliquée dans l'histoire qui a demandé à Vadeboncœur s'il avait menti au tribunal. Parce que le juge Steve Magnan lui a reposer Magnum. La question. Magnum. Pas Magnum, Magnan. Magnan, d'accord. Voilà. Il n'y a pas un centre chocolaté? Non. Ben, tu peux lui demander. Donc, il lui a reposé la question et après vraiment un certain moment de silence un peu malaisant en salle, Vadeboncœur a répondu « Oui, j'ai menti ». Lors de son passage en cour lundi, donc il y a deux jours, là, Alexis Vadeboncœur a mentionné au juge que durant l'arrestation du 2 février 2013, une des policières, Barbara Provencher, l'avait agrippée par les parties génitales alors qu'elle se trouvait derrière lui. Donc, l'avocate a demandé à Alexis Vadeboncœur comment il pouvait affirmer que ce geste avait été posé par sa cliente alors qu'il pouvait pas voir ce qui se passait exactement derrière lui. Donc, le jeune garçon a affirmé qu'il l'avait vu dans son champ de vision pendant qu'elle se déplaçait derrière lui. Il a senti que c'était une femme qui lui déchirait son pantalon à la recherche de l'argent et des médicaments qu'il venait de voler à la pharmacie lorsqu'il a été agrippé et étiré par les aux parties génitales. Donc, selon Vadeboncœur, ce geste était tout à fait volontaire. D'après lui, les points de pression exercés sur ses parties semblaient montrer des traces de doigts et d'ongles longs, féminins, même s'il présume que la policière devait porter des gants à ce moment-là. Donc, on semble avoir menti sur plusieurs... Il y a des effets secondaires à ces médicaments-là, pas mal intenses. Ben, d'après moi, je ne sais pas s'il en avait pris avant de quitter la pharmacie. Tant qu'à faire. Hein. Mais on va suivre ça de près quand même. C'est un article... Tu sais, c'est ici, c'est des policiers d'ici. Ouais. C'est quelque chose qui était arrivé il y a quand même longtemps, mais là, on voit qu'il y a du déroulement de ce côté-là. C'est un procès qui va être là pendant encore un bon petit bout. Alors, on va peut-être avoir de nouvelles... Ouais. De nouvelles sources et de nouvelles informations par rapport à dans ça. Dans un futur rapproché. Et tout ce qu'on vient de dire était sous le couvert de l'humour, là, parce qu'on pense absolument rien de ça, et parce que sinon on va se faire poursuivre pour diffamation. Mais non, on fait c'est pas la fin. Aucune diffamation. Non. On a mis des faits de l'avant. Oui, voilà. C'est ça. Et on citait quelqu'un d'autre. C'est ça, on sait quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je te dis? Voilà. Ouais, les effets secondaires de ces médicaments-là. Oui, ben oui. A dit quelqu'un d'autre. Il y a deux dernières nouvelles qui ont attiré mon attention cette semaine. La science a prouvé qu'on héritait notre intelligence de notre mère. Ah ben, Colin! C'est ma mère qui va être contente ben de oui, savoir. C'est ta mère qui t'a envoyé l'article, en fait. Hein? Non, même pas. Je l'ai tagué sur l'article. Ah oui. Donc, si vous êtes brillant, vous devriez probablement remercier votre mère. Certains pensent que ça vient de leur père, mais non. Semblerait qu'il y ait des recherches qui montrent que ce sont les mères qui sont responsables de la transmission des gènes de l'intelligence. Donc, ça signifie peut-être enfin que la fin de nombreuses années de stéréotypes sexistes peut maintenant être abolie. Oh oui! Wouhou! Donc, cette idée provient de ce qu'on appelle les gènes conditionnés. C'est des gènes qui agissent différemment selon leur disposition initiale. Puis ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'il y a certains des gènes qui sont concernés qui fonctionnent que s'ils viennent de la mère. Donc si on dit « Ah ouais, mais t'es intelligent parce que ça vient de ton père », non, non, ces gènes-là n'existent pas en votre père. Okay. Sachez-le. Donc, par exemple, si le même gène venait du père, il est désactivé automatiquement dans votre corps. Oh, wow! C'est, ouais, parce que le gène de la mère va être plus fort que celui du père. OK. Donc, cette même vérité s'applique pour le contraire. Certains gènes vont se désactiver lorsqu'ils vont devenir de la mère et vont être beaucoup plus forts du côté du père. Donc, ça s'égalise sur certains autres gènes. Mais le gène de l'intelligence vient absolument de la mère. C'est le fun, on adore ça. Donc, ça vient directement au cortex cérébral et ceux du père vont directement au système limbique. Donc, on va à deux places différentes. Les mêmes gènes vont se séparer, en fait, on va tout simplement aller à des endroits différents. Donc, l'intelligence peut avoir des composantes héréditaires, ça, on le sait bien évidemment, mais il y a quelques années, on a découvert que la plupart dépendaient du père et de la mère. Récemment, il y a les études qui ont démontré que les enfants sont plus susceptibles d'obtenir leur intelligence de leur mère car les gènes liés à l'intelligence se trouvent dans le chromosome X. Ben oui! Ah, oh, merci, yeah. Maman! Si je suis pas intelligente, ben... C'est de sa faute. C'est ça. Ah non, t'as guillé sur Facebook pour lui dire. Je pense que je suis pas si pire. Là. Je pense qu'on fait une pas pire job, mère. Le dernier article, l'Adèle, ben, ce qui a retenu mon attention comme dernier article, c'est Apple. OK, Apple, hey, là, tu me parles. Ben oui, je sais que je te parle, puis c'est pour ça que je l'ai amené. Je suis ton seul public. Mais attends, vois bien pourquoi est-ce qu'Apple a retenu mon attention, parce que en temps normal, tu sais, oui, la technologie, ça m'intéresse, ouais, mais tu parles pas du fait qu'ils ont enlevé la prise écouteur sur l'iPhone 7. Non, exactement, tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose qui va enlever à ma vie, mais Apple pourrait acheter le constructeur de voitures McLaren. Oui, j'ai lu cet article. T'en as pas parlé hier, un petit peu en piste, non, ça même vient de sortir, pas, hein, c'est ça? Non, même pas, parce que c'est... Ouais, ça, ouais. J'ai même pas eu le temps de m'informer sur le sujet que je commençais mon émission en piste avec Daniel Baudin. J'ai parlé par contre de Porsche pour Tesla et la Formule E. J'avais écouté un bout puis j'avais retenu quelque chose tout en retenant pas grand-chose. Ouais, mais là, on parle de Apple qui voudrait peut-être acquérir les constructeurs McLaren. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Mais c'est le géant américain de l'électronique Apple qui est entré en contact avec le groupe britannique McLaren Technology Group qui est spécialisé dans la conception de voitures quand même assez exotiques. Voiture sport, en vue de sa possible acquisition. Et ça, c'est quelque chose qui serait sorti mercredi après-midi, donc pendant que j'étais déjà en train d'animer. C'est un magazine qui s'appelle le Financial Times. Et le groupe californien Apple envisagerait soit la prise de contrôle totale de McLaren, soit un investissement stratégique dans le capital de l'entreprise, une des plus prestigieuses écuries dans le monde de la Formule 1. On sait qu'Apple, les rumeurs veulent qu'ils travaillent sur une voiture depuis des années, donc peut-être que ça pourrait les aider là-dedans. Ça va faire juste augmenter les rumeurs encore. Ça serait vraiment le fun, en fait. Puis la valeur de McLaren, OK, ça s'élève quand même à 2,5 milliards de dollars. C'est quand même une pas pire valeur. Ouais. Mais une telle acquisition confirmerait aussi les ambitions qu'Apple ont dans le domaine de l'automobile. Parce qu'on se planche déjà sur un ambitieux projet de voiture autonome, comme tu le disais pour McLaren. Donc, le groupe américain aurait investi en mai 1 milliard de dollars dans Didi, la principale application chinoise de réservation de taxi. Donc, on voit déjà qu'Apple veut vraiment s'impliquer de plus en plus dans le monde de la voiture autonome. Mais McLaren a affirmé de son côté qu'elle n'était pas en discussion avec le géant technologique, mais qu'elle avait régulièrement des conversations confidentielles avec de nombreuses tierces parties. C'est pas des discussions, c'est des conversations. Et c'est pas nécessairement avec Apple, c'est avec quelqu'un d'autre qu'eux autres même. C'est ça. Okay, oui. T'sais, donc, finalement, on peut dire qu'elle a pogné l'existence d'une approche. Là. Ouais, c'est quasiment ça que ça voulait dire. Mais McLaren représente quand même une expertise mondiale reconnue en matière d'ingénierie automobile excellente. Des ordinateurs de bord, mais aussi des châssis en aluminium et en fibre de carbone. Donc, tout ce dont Apple pourrait avoir besoin pour accélérer son projet Titan qui est destiné à déployer dans le secteur automobile. Donc, comme d'habitude, la firme à la pomme a refusé de commenter ce qui se passait. Ben oui. Et ce ne sont que des rumeurs et des spéculations. Uh-huh. Mais c'est genre les plus belles rumeurs et spéculations qui peut arriver. Enfin, il y a un lien entre le Mathieu Plancho et en plus avec Taïa Baudin. Je me suis dit, j'ai pas le choix, il faut que je parle de ça. Fantastique. Ça allait attirer mon attention, mais peut-être que ça aurait attiré celle de Mathieu. Peut-être bien, mais c'était pendant nos émissions. Fait qu'on n'a pas parlé. C'est ça. Tout ce qui se passe le mercredi après-midi, désolé, mais tu sais, on est en onde. C'est de même que ça se passe. On n'a pas une équipe de 40 recherchistes non. pour pouvoir aller. Non, nous sommes nos propres chercheurs. C'est ça. Et producteurs, et animateurs, et metteurs en onde, et etc. Ouais, c'est pour ça qu'on est debout jusqu'à 1h30 du matin. Et voilà. Et hey, merci pour cette conversation et non pas discussion. Eh bien, ça fait plaisir. Très différent. Oui. T'es un très bon tiers ce parti. Merci beaucoup. Et on se retrouve pour une autre chronique de Tania Esgonet-Tania tous les jours de semaine à Assemblage Rocky. Merci. Merci à toi. On prend une petite pause. Une petite pause musicale, en fait, dans ce cas-ci, parce que au début de l'émission, on voulait la faire jouer, mais on trouvait que c'était un petit peu intense pour le début de l'émission. Là, on est rendu à 8h40 à une place où ça a du sens d'entendre ça. Et donc, allons entendre The Roof et Ooh. The Devil and His Anarchic Surrealist Retinue à son âge requis sur ses fous. Yeah.

Salmaz. Maintenant, dans une grosse pointe d'adresse, c'est toujours après avoir goûté un produit, le moment de parler de produits de fast-food. Commençons par des bagels. Est-ce que tu manges, est-ce que tu as déjà mangé des crumpets? Oui. Oui, oui. C'est comme un genre de petit muffin anglais avec des monts et vallées. Donc, le beurre dedans va vraiment fondre et prendre de l'ampleur dans les trous. C'est, moi, je trouve mon déjeuner préféré à tartiner de beurre. Ça se trouve pas partout, par exemple. Non, si tu cherches un peu, il y en a tout le temps. Il y en a beaucoup plus aux États-Unis qu'il y en a ici. C'est vrai, mais moi, dans les épiceries québécoises que je fréquente régulièrement, j'en vois tout le temps, mais ils sont entre d'autres affaires. Faut que tu cherches un petit peu plus. Ok, ouais, c'est ça. D'habitude, ils sont toujours bons pour longtemps. OK. Quand même satisfaisant. Donc, ici, on parle de la marque Thomas qui amène des bagels avec des monts et vallées à la place. Huh. C'est un peu un mélange entre les crumpets et les bagels. Donc, une infusion dans les bagels de monts et vallées dans leur muffin anglais. Pardon, ils prennent les monts et vallées de leur muffin anglais pour les mettre dans leur bagel. Ils appellent ça les Nooks and Crannies Bagels. Donc, c'est des bagels plus légers, plus remplis d'air. Leur texture est plus aérée, si on veut. C'est un hybride. La moins grande densité, donc, descend les calories aussi de chaque bagel à 200 calories versus 130 calories pour leur muffin anglais et 260 pour leur bagel régulier. On dit que c'est vendu en emballage de 4 qui ressemble à leur emballage de muffin anglais et non pas comme leur sac de bagel qui d'habitude en contient 6. Voilà. Ils ont aussi ramené, Thomas, ça c'est aux États-Unis, les muffins anglais à la citrouille épicée et leur bagel à la même saveur pour l'automne. Ensuite, on s'en va en prison. Ça veut dire que les ramen sont vraiment très populaires en prison. C'est, on les utilise comme argent. Ah ouais? Donc, Michael Gibson Light, qui est un candidat au doctorat, a récemment présenté un papier à l'American Sociological Association pour résumer un an d'études et d'entrevues dans une prison American Sunbelt. Ça reste anonyme pour la protection des prisonniers, mais pendant sa recherche, il a découvert en fait quelque chose d'intéressant, c'est que les nouilles ramen ont remplacé les cigarettes comme argent préféré pour les prisonniers. Ouais. Donc, on a fait des coupures dans les fonds des prisons. Gibson Light dit que les prisonniers ont formé toute une économie informelle basée sur les ramen qu'on appelle en prison des soups. On appelle ça des ramen, apparemment. Je sais pas pourquoi, ça fait peut-être moins étudiant que de dire des ramen. Donc, des services comme le nettoyage de lit et le lavage des draps sont coupés et des articles de nourriture comme les fruits frais et les légumes sont de plus en plus difficiles à avoir. Donc, j'ai tout le temps envie de dire les criminels. Les prisonniers paient pour ça avec des ramen. Donc, ils font laver leurs draps en échange de ramen. Ah, ouais. Le prisonnier a expliqué à Gibson Light que la soupe de prisonnier était vue comme un symbole de statut. Tu peux savoir comment la personne va bien financièrement par rapport au nombre de soupes qu'il a dans son casier. Genre, il a 20 soupes, ben ce gars-là, il va vraiment bien. OK. Financièrement. Donc, pourquoi est-ce que c'est devenu quelque chose comme un statut financier? Ben, parce que c'est super bon, c'est délicieux. Facile à faire, ça a l'air élevé en calories. Facile à acheter dans le dépanneur, ce qu'on appelle le commissary dans les prisons. Donc, les prisonniers à qui Gibson Light a parlé, les gens se plaignent de la nourriture en prison, ils trouvent pas ça très, très bon, la qualité est vraiment pas là. Donc, ils préfèrent manger leur soupe. C'est plus facile. C'est donc, d'échanger ça, par exemple, dans des parties de poker, dans des pools de football, on mise des ramen. Gibson Knight a seulement étudié une seule prison, mais dit que le ramen gold, si on veut leur or, pourrait être une mode ailleurs dans le pays, parce qu'il y a aussi des coupures de budget partout aux États-Unis. Donc, il pense aussi que ça pourrait être une question négative pour le bien-être des prisonniers. On dit que ça pourrait mener à de la violence physique. Bon, ça va pas bien. Ensuite, on reste en prison pour des détenus qui s'inspirent de Orange is the New Black pour mieux manger. OK. Dans la saison 3 de la série à succès Orange is the New Black, une détenue fait croire au gardien s'être converti au judaïsme pour pouvoir manger des repas cachers. Ce repas dont la qualité est meilleure que ceux habituellement servis dans la série. Aujourd'hui, une centaine de détenus écossais ont utilisé la même technique. Donc, dans la prison de Glenochill en Écosse, selon le Jewish Chronicles, une centaine de détenus se sont donc déclarés juifs pour obtenir des repas cachers. Ça ressemble un peu à des nouvelles qu'on a vues au Québec quand même. Le porte-parole de la prison, Tom Fox, n'a pas été dupe, mais il ne revient pas à l'institution de décider. La loi les oblige à fournir de la nourriture aux personnes qui disent avoir des restrictions religieuses. Je cite, c'est vrai qu'auparavant, on avait une population carcérale juive très limitée, mais nous avons vu une forte augmentation. Il faut dire qu'il y avait bien de quoi s'interroger. Selon les statistiques officielles, les prisons écossaises n'accueillaient que 9 prisonniers juifs entre 2013 et 2014. Et si quelqu'un dit qu'il y a une religion particulière, ils sont pas autorisés à remettre ça en question. Reste que la récompense pourrait ne pas être très intéressante, outre le fait que les repas sont pré-emballés et donc plus faciles à troquer sur le marché noir, un peu comme des ramen. La qualité n'est pas toujours meilleure. Et malgré leur coût plus élevé de fabrication et les tentatives de certaines prisons américaines de les supprimer, refuser ces repas est aujourd'hui une violation de la liberté religieuse des détenus. Oh! Ensuite, on parle d'une marque de croustilles qu'on peut seulement trouver en prison. C'est comme si j'avais mis ces nouvelles-là de suite. Voyons, t'avais-tu quelque chose avec les prisons? Des fois, j'ai plus de temps que d'autres moments. Et puis, des fois, je les place ensemble pour faire un petit bloc. C'est ça, hein? Mais c'est pas toujours le cas. Donc, The Whole Shebang. Okay. The Whole Shebang. C'est la marque de croustilles dont vous avez jamais entendu parler. C'est produit par le Keef Group, spécifiquement pour les prisonniers de prison américaine. Des croustilles qui ne sont pas vendues en magasin et sont vendues seulement dans les commissaires, des commissaries en prison. Mais ces croustilles-là qui mélangent les saveurs de barbecue, de sel et vinaigre et plusieurs autres saveurs mystères, c'est comme probablement genre des restants de poudre de lignée. Okay. À la fin de la journée de l'usine, j'imagine qu'ils doivent mettre ça dans des sacs pour The Whole Shebang. Non, c'est tellement populaire que les anciens criminels les recherchent une fois qu'ils sont sortie de prison, imagine. Ah ouais. Dans une petite vidéo de NBC News, il nous parle de The Whole Shebang et de la mode qui s'éparpille un petit peu aux États-Unis. Ça a commencé comme collation de prison et maintenant c'est vraiment recherché non seulement par d'anciens prisonniers, mais par leurs amis et leurs membres de famille qui vont les visiter en prison. Et aussi par des aficionados de collation qui ont entendu parler. Moi, je regarde des documentaires Lock Up sur MSNBC. Il y a la fin de semaine des documentaires de prison filmés dans des prisons. Et on a parlé souvent de ces chips-là. Ça me donne vraiment envie de les essayer. Il faudrait que je vérifie sur eBay s'il y en a. Vous n'avez pas trouvé de Whole Shebang en épicerie, mais The Keef Group a commencé à les vendre en ligne directement. Ouais. Donc, vous pouvez aller voir leur site qui est américain, WholeShebang.com. Vous pouvez aller voir le petit clip sur assemblagerequis.com pour en savoir plus. C'est pas donné, hein? 33$ pour un sac de chips. Es-tu sérieuse? 33$? Ben, calin, mais ça, en même temps, ça a du sens parce qu'en prison, l'argent ne vaut pas la même chose. Et donc, j'imagine que vu que c'est produit en plus petite quantité, peut-être, je sais pas. Peut-être. Il va falloir qu'ils cherchent plus cher. Mais t'as des chips originales. T'as Extrême. Des bâtonnets de fromage, t'as Extrême en chip, t'as des peanuts, saveur originale, et t'as du popcorn, saveur originale, donc ils fabriquent à peu près tout. Ils devraient vraiment saisir l'opportunité et mettre ça en magasin pour vrai. Mais pas à 33$ le sac. Non, c'est sûr. Ah. C'est pour le gros sac au moins, hein? Je sais pas. Il y a des sacs à 19, 21, ouais, c'est pas mal, minimum 19$ américains. Ouais. Cher, mais ça vaut la peine, une fois de temps en temps, comme gâterie, hein? Quel est le secret de la productivité au travail? Le sommeil? Le sommeil, non, c'est la pizza. Ah! Oui, c'est plus motivant que de l'argent. Bon, on bouffe de la pizza à midi, Mathieu. La pizza est un motivateur. C'est vrai, quand même, je l'avoue que je me sens plus productif après avoir mangé de la pizza. De la pizza gratuite est la seule façon de faire que les étudiants universitaires vont se rendre à des événements. On sait, on a déjà vu les 5 à 7 à la Chasse-Garou où il n'y a personne sauf quand il y a de la pizza. Non? Mais ça motive aussi les gens au travail. Dans un nouveau livre nommé Payoff, The Hidden Logic That Shapes Our Motivations, le professeur en psychologie Dan Ariely démystifie une étude conduite sur des travailleurs dans une usine d'Intel en Israël. Et ça confirme ce que l'on pensait au sujet de la pizza et de son pouvoir de motivateur. Les travailleurs ont été séparés en 4 groupes. Un groupe de contrôle, donc il se passe rien. Et 3 autres qui promettaient on promettait soit un compliment rare de la part de leur patron, donc un good job de la part du patron, un bonus en argent, ou encore un coupon pour une pizza gratuite s'ils finissaient tout leur travail avant la fin de la journée. Non. À la fin de la première journée, les travailleurs qui ont reçu la promesse d'un coupon de pizza ont surperformé le groupe contrôle par 6,7%, ceux qui s'étaient fait rien promettre finalement. En deuxième place, c'était le groupe de compliments de patron. Et surprenamment, ceux qui se sont fait promettre un bonus en argent sont arrivés en dernière place. Les travailleurs ont seulement augmenté leur productivité par rapport au groupe contrôle de 4,9%. Le deuxième jour, le groupe de récompense en argent a sous-performé le groupe contrôle de 13,2% de moins que ceux qui se sont fait rien promettre. Et alors que la semaine continuait, les valeurs de productivité commençaient à s'équilibrer, à s'égaliser, mais à la fin, les travailleurs étaient plus encouragés par la pizza et par les compliments que tout le reste. Donc, si vous avez besoin de productivité, ce midi, prenez-vous une pointe de pizza à 7$ à la cafétéria. Mm-hmm. Ensuite, sentir des champignons donne aux femmes des orgasmes instantanés. Non, moi, non. Sentir des champignons, je trouve ça dégueulasse. Pas des champignons, mais une certaine sorte de champignons. Bon, hein? Vas-y, explique. Une autre bonne raison de se rendre à Hawaï, une belle place quand même, pas besoin de se faire supplier pour aller à Hawaï. Y a plein de choses vraiment intéressantes à voir là-bas, mais maintenant, on parle aussi de champignons qui donnent un orgasme instantané. C'est selon I Fucking Love Science. C'est un fungus. Est-ce qu'il y a un mot en français pour ça? Une moisissure, quelque chose, bref, un fungus, dans la lave hawaïenne qui fait que les femmes ont un gros orgasme, niveau extrême, après seulement une petite respiration. C'est une étude qui a été publiée en 2001 dans International Journal of Medicinal Mushrooms, oui, le journal international des champignons médicinaux. Ça existe. Les scientifiques John Halliday, rien à voir avec son frère, là, sûrement Johnny Halliday, et Noah Soul ont enregistré donc les premiers effets de ce champignon orange brillant trouvé sur la lave hawaïenne. Ils ont découvert que les champignons étaient proches d'avoir 1000 ans et laissaient sortir une odeur vraiment déplaisante. Ce qui les a fait penser que ça allait pas donner un orgasme. Donc, bref, ça les a comme pris par surprise. Donc, un groupe de femmes bénévoles qui se sont portées volontaires ont senti ces champignons-là et le résultat est efficace malgré le très mauvais parfum que ça sort. La moitié des femmes ont eu un orgasme spontané alors que 100% des femmes ont dit avoir ressenti un plaisir sexuel, je dirais. Et non pas un orgasme, mais un certain plaisir sexuel. Les hommes qui ont senti le champignon, par contre, ont montré aucun changement en désir sexuel et ont même dit avoir eu la nausée. Donc, c'est pas fait pour les garçons. Halliday et Soul disent que le fungus contient quelque chose qui ressemble à des hormones. Ça peut être une ressemblance aux neurotransmetteurs humains qui sont relâchés pendant les rencontres sexuelles. Vraiment bizarre, hein? Ouais. Ensuite, un café qui promet de te garder debout pendant 18 heures. Wouhou! On a de la misère avec nos 4 cafés par jour à se tenir debout. Là, tu me parles. Si t'as besoin de café par intraveineuse chaque matin, eh bien, c'est le moment d'apprendre plus sur le Ass Kicker, qui est un breuvage de café glacé qui promet au moins 18 heures d'énergie. Tu sais, quand tu penses à 5-Hour Energy, les petites fioles, là, t'as 18 heures. Donc, c'est un mélange très puissant développé par un barista australien. Pour une infirmière, en tout cas, les masculins et féminins en anglais n'existent pas pour ces mots-là. Ouais, donc, un woon barista australien pour un woon infirmière ou infirmier qui avait la difficulté à rester réveillé pour un long quart de travail. Et Colin, que ça a fonctionné. L'infirmière dit qu'elle a bu le Ass Kicker très tranquillement pendant 2 jours et ça l'a gardé debout pendant 3 jours. What? 3 jours complets sans dormir. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du Ass Kicker? Ben, pour commencer, un cadré shooter d'espresso. Malade. 4 cubes de glace fabriqués à partir de café à infusion à froid qui ont gelé pendant 48 heures. Okay. Avec chacun 2 shooters d'espresso dedans. Ok. Ensuite, 4 onces de café infusé à froid qui date d'il y a 10 jours, donc vraiment très très puissant aussi, concentré. Et ensuite, 4 autres cubes de glace de café infusé à froid. Donc, ce que ça donne, c'est 5 grammes de caféine. On s'entend qu'un shooter espresso, c'est environ 60 mg. Hein? Ouais. Donc, on a 5 grammes de caféine. Pour les connaisseurs de café, nous dit omgfacts.com, ça a l'air d'un très bon défi, mais pour certains professionnels médicaux, c'est très, très dangereux. Les scientifiques estiment que 10 grammes de café pourraient vous tuer, alors que la diététicienne Danielle Lewis dit que plein de gens ont été hospitalisés après avoir pris de la caféine, qui est moins de la moitié de ce qu'il y a dans le Ass Kicker. Le café australien sert le Ass Kicker avec un avertissement médical pour ceux qui ont une haute pression sanguine ou une historique de problèmes de cœur. L'équipe aussi a comme priorité d'expliquer que c'est supposé être consommé très tranquillement pendant plusieurs jours et non être bu au complet ou en quelques gorgées comme un café normal. Ok. Voilà. Donc, si vous avez envie de vivre un défi, peut-être vous rendre en Australie pour boire un Ass Kicker. Jamais j'essaierai ça pour vrai. On boit à peu près, comme on dit tout le temps, 4 cafés environ par jour. Oui. Et le soir, quand je suis sur mon iPhone, j'ai le pouce qui tremble. Pour vrai? Gauche, ouais. C'est 4 cafés. Ça va pas bien? Ça va pas bien. Ensuite, un martini fait à partir de cubes... Non, pardon, on va recommencer ça. Martini a fabriqué un cube intelligent qui dit au bartender quand vous êtes prêt pour un autre drink. Voilà. Donc, bar. Hein? Quand on va à un bar, on a besoin tout le temps de recommander quelque chose. Donc, avec l'aide de AMV Bibidio, la marque d'alcool italienne Martini a créé le Smart Cube, qui est une glace connectée, qui va dire à votre serveur via Bluetooth quand votre verre est presque vide. Hein? Donc, les Smart Cubes sont une façon de tout le temps avoir un verre plein. C'est évidemment du marketing pour Martini. Sinon, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire que ça. Il y a une petite publicité si vous voulez aller voir ça. Est-ce qu'il y a d'autres détails? Pas vraiment. Non, vraiment pas. Mais quand même, intéressant comme idée. Pourquoi pas? Ensuite, Jim Beam, donc marque d'alcool qui révèle sa propre Apple Watch, si on veut, qui est un appareil portable, donc sur le poignet, buvable pour faire des shooters sur votre poignet. Pour seulement 18$, vous pouvez commander maintenant. Ça avait l'air d'une blague de poisson d'avril, mais c'en est pas une. Donc, c'est la Jim Beam Apple Watch qui met un verre de shooter de 1,5 once directement sur votre poignet. Ils peuvent faire en fait une référence à Apple parce que Jim Beam Apple est une vraie marque de whisky de la part de Jim Beam. Donc, c'est la Jim Beam Apple Watch et non pas la Jim Beam Apple Watch. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. C'est la Jim Beam Apple Watch. Donc, une interface super minimaliste qui s'ouvre et qui se ferme sur demande. Ça ne dit pas l'heure, par contre, mais ça vous économise du temps, comme ils disent, éliminant le besoin d'aller chercher un verre de shooter et de le commander. Mmh. La marque dit évidemment que c'est un produit blague, donc c'est pas fait pour être vraiment acheté, mais on peut la commander, la précommander en fait, sur jimbeamapplewatch.com pour 18$, qui est bien moins cher qu'une Apple Watch, bien sûr. Évidemment. Ils ont travaillé avec Olsen Engage pour la campagne publicitaire. Ensuite, on parle du restaurant Arby's, restaurant de hamburger, viande, de grosse viande, là, genre. C'est eux qui avaient fait le hamburger avec toutes les viandes du monde dessus. Okay. Bref, Arby's qui a justement un message par rapport à la viande. C'est la saison de la chasse, apparemment, en ce moment. Mm-hmm. Donc, Arby's a une nouvelle campagne qui cible les chasseurs. Ils utilisent la phrase, le slogan « We have the meat », nous avons la viande depuis 2014. Et maintenant, la chaîne, qui est connue pour son roast beef et d'autres sandwichs à la viande, essaie de convaincre les gens qui chassent. Il y a plus de 20 millions de chasseurs aux États-Unis. Et ce groupe-là est pas mal celui qui est visé par Jeff Baker. Oui, Jeff Pâtissier, qui est celui qui s'occupe de l'expérience de l'expérience de marque chez Arby's. Donc, la petite vidéo, on va la regarder dans quelques instants. C'est une nouvelle campagne de Arby's qui essaie donc de parler de viande. En fait, je pense qu'on va l'écouter à la place de lire les détails parce que souvent, les détails parlent de la pub. Donc, écoutons cette publicité de Arby's. So you're coming home dans une forêt. Empty-handed. Vous revenez à la maison immédiatement. Le vent. A deer recognized un orignal vous really reconnaît pour ce que vous êtes vraiment. Or maybe you sneezed. Ou peut-être que vous avez éternué. And you're leaving camp without a buck et que or vous bird. Quittez le parc sans viande, mais vous pouvez toujours voir le coucher de soleil avec de la viande dans votre corps. And your body probably won't even notice the difference. Et votre corps n'en fera pas la différence. C'est l'orignal qui arrive et sort de derrière des burgers. Arby's, nous avons la viande. Yeah boy. C'est cute. C'est quand même cute. Ensuite... une sixième saveur découverte pour le pain et pour les croissants. Intéressant. Donc apparemment que les scientifiques ont identifié une sixième saveur amidonnée, caractéristique des féculents, bien différente du goût sucré. Cette saveur présenterait un intérêt évolutif en nous conduisant à apprécier les glucides complexes, énergétiques et donc utiles à la survie. Pain, viennoiserie, pâte, pommes de terre, vous ne pouvez pas y résister. Bien, c'est peut-être parce qu'elles partagent une même saveur, nous dit Futura Science. C'est un goût d'amidon qui serait la sixième saveur que la langue est capable de distinguer après le salé, le sucré, l'amer, l'acide et l'umami. Ah ouais. Dont on entend quand même parler en Asie souvent. L'amidon des féculents est un glucide complexe composé d'une longue chaîne de sucre simple, qui est le glucose. Dans la bouche, les enzymes de la salive le digèrent pour donner des sucres que la langue identifie comme ayant une saveur sucrée. Mais la langue peut-elle détecter l'amidon avant la digestion? Dans un article paru dans la revue Chemical Senses, des scientifiques ont fait tester à des volontaires différentes solutions de glucides en leur demandant de décrire leur goût. Un nombre significatif de participants décrivait un goût amidonné qui, pour les personnes d'origine asiatique, évoquait plutôt le riz, et pour les personnes d'origine caucasienne, donc les blancs, plutôt du pain ou des pâtes. Ensuite, avec du lactisol, les scientifiques ont empêché les participants de ressentir le sucré. Tu peux faire ça, tu peux bloquer le sens du sucré. Ah, ouais. Lorsqu'ils goûtaient des solutions de glucides, les participants reconnaissaient toujours le goût amidonné. Comme l'explique Julian Lim de l'Université d'État de l'Oregon dans le New Scientist, je cite, « Chaque culture a une source importante de glucides complexes », fait la citation. Il semble donc logique que l'organisme puisse ressentir un goût particulier pour ces glucides. Lors de la digestion, le polymère d'amidon est digéré pour donner des molécules de glucose qui servent de carburant énergétique pour les cellules. C'est pourquoi la capacité à retenir le goût des glucides complexes pourrait être bénéfique à l'espèce. De manière générale, le goût a pour rôle de permettre la distinction entre les aliments bons pour l'organisme et ceux qui contiennent des molécules toxiques à éviter. Ben, un sixième goût, on rappelle donc le salé, le sucré, l'amer, l'acide et l'umami, suivi du sixième sens, qui est donc le... l'amidon. L'amidon, on avait dit tantôt, il y avait un mot pour ça, non? C'est l'amidonné. Ouais. Oui. Amidonné. Ensuite, après une chicane de couple, les femmes mangent. Sur l'article du Soleil, une prise de bec avec leur conjoint amène certaines femmes à manger davantage quelques minutes après. La même discussion épineuse ne toutefois pas cet effet sur les hommes. C'est ce qui ressort d'une étude menée par des chercheuses de l'Université Laval et publiée au mois d'août dans la revue scientifique Eating Behaviors. Je cite, « On se questionne beaucoup sur l'effet du stress sur la consommation de nourriture et notre étude démontre qu'il y a un lien entre une interaction conjugale négative et la prise de poids chez certaines femmes. Oh, » ouais. Menée de part avec l'école de nutrition, l'étude a convié 80 couples hétérosexuels en laboratoire. Les chercheuses ont demandé aux conjoints de parler pendant 15 minutes d'aspects qu'ils aimeraient que l'autre change. Je cite, c'était pas de grosse chicane de couple, on l'avait dit. On avait dit qu'il fallait que ça reste respectueux, mais ça a brassé. Les participants à l'étude étaient ensuite invités à goûter chacun de leur côté à diverses collations comme des friandises de chocolat, des croustilles, des bretzels, des biscuits. Alors qu'ils croyaient participer à une étude sur l'humeur et le goût des aliments, l'équipe de recherche a plutôt mesuré la quantité d'aliments ingurgités par chacun. Chez les hommes, la quantité d'aliments ingurgités variait surtout en fonction de la faim, et l'humeur de ceux-ci n'a pas beaucoup été affectée par la prise de bec qu'ils venaient de vivre. La discussion épineuse a eu plus d'effet sur les femmes étudiées, qui ont présenté un changement d'humeur plus prononcé. Chez certaines femmes, soit celles qui ont un indice de masse corporelle, un IMC élevé, et celles qui s'imposent des restrictions alimentaires, qui sont à la diète. Cette mauvaise humeur s'est traduite par une consommation élevée de collations. Manger ses émotions. Hein? Mm-hmm. Je cite, ces femmes-là ont beaucoup d'interdits dans leur tête et les émotions négatives vont faire lever leur inhibition. On peut penser que plus la personne a des interactions difficiles avec son conjoint au quotidien, plus elle risque de prendre du poids. Pour la chercheuse, cette différence entre les hommes et les femmes provient du fait que les femmes sont plus nombreuses à se restreindre du côté de l'alimentation et qu'elles sont aussi plus sensibles à une discussion conjugale animée. Fascinant, mais pour vrai, ça a du sens tout ça. Mais oui. Les femmes se privent parce que les hommes veulent, selon elles, qu'elles soient juifs acidiques. Ensuite. On n'a rien contre les Juifs, tu sais. C'est une blague, j'aime faire racheter. Je me dissocie de tout ce que Mathieu Plante vient de dire. Ouais. Est-ce que tu t'associes aux crêpes, par contre? Ouh, pancakes! Parce que c'est ce que Denise, une chaîne de restaurants aux États-Unis, a fait, c'est fabriquer un saxophone de crêpes, des pancakes. Oh my God! Ouais. Combiner les sons sensuels d'un saxophone et le goût délicieux des pancakes, et ça donne un saxophone fait de pancakes, donc un pancake sax ou un pancake-saxophone. Et ça existe, c'est ça. Il y a une photo, puis ils ont fait ça. Mm-hmm. L'article ne dit rien de plus. Ensuite, c'est peut-être impossible de voir cette crème glacée. C'est une crème glacée camouflage. La compagnie de crème glacée Bluebell Creamery vend Camo and Cream, une crème glacée camouflage qui ressemble à du camo, mais qui ne goûte pas le camo. Une chance, parce que je sais pas ce que ça goûterait. Je sais pas. En fait, cette crème glacée-là goûte pistache, amande, chocolat au lait et fromage à la crème. Miam. Je sais pas, mais pour vrai, c'est comme une napolitaine, sauf qu'à la place d'avoir rose, blanc, genre, et brun, c'est comme brun, beige et vert, comme ce qu'elle me dit. C'est vraiment ça. C'est beau. C'est beau, ça a l'air bon. Oui, oui, absolument. Ça a l'air en partie d'une crotte d'animal, mais quand même. Ensuite, faire fondre des beignes avec une torche, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, une vidéo hypnotisante, apparemment. On fait juste fondre un beigne avec un glaçage dessus, avec une torche là, de feu, comme il y avait sur le toit de la construction du pavillon des Rébauchemins jusqu'à avant-hier ou hier. Donc, allez voir la vidéo, ça sert absolument à rien, je le passe déjà, je m'en fous. Ensuite, une pizzeria qui veut offrir une pizza extra large à n'importe qui ramène un gun. Hein? C'est leur promotion « Help get guns off the street ». C'est génial, hein? Donc, aux États-Unis, il y a ceux qui vivent du commerce des armes à feu et ceux qui rêvent d'en voir leur rue débarrassée. Pour ce faire, tous les moyens ou presque sont bons, et Donald Dancy tient une pizzeria à Indianapolis qui veut offrir donc une pizza XL à quiconque lui amène une arme à feu. L'échange peut paraître étrange quand on sait qu'une arme à feu se vend facilement plusieurs centaines de dollars dans les rues, mais pour ce gérant, c'est pas ça la question. Donald Dancy voit bon nombre de ses clients avec des armes illégales qui seraient plus que ravis de s'en débarrasser aussi simplement. L'homme se propose de garder les dites armes dans un coffre le temps que la police vienne les récupérer. Donald Dancy a déjà préparé ses coupons. Il faut encore obtenir l'accord de la police de ville, du département du shérif de Marion County et du bureau du procureur de la ville. Il paraît un peu probable que ceux-ci donnent leur accord, mais si c'était le cas, la pizzeria serait prête à récupérer n'importe quelle arme, n'importe quand, sans poser même une question. De nombreux magasins, églises et résidents locaux soutiennent l'initiative de DNC Pizza, donc ça reste une nouvelle à suivre. Un burger maintenant inspiré de Willy Wonka, qui semble venu de l'espace. Ah ouais? Après la mort de Gene Wilder dans les dernières semaines, les hommages des fans à Charlie et la chocolaterie se sont multipliés. Certains ils sont simplement allés de leurs messages sur les réseaux sociaux, d'autres ont réussi à aller plus loin. C'est le cas de Bar Luca à Sydney en Australie, qui a conçu un burger inspiré de Charlie et sa chocolaterie. Donc Gene Wilder avait notamment interprété Willy Wonka, le propriétaire de la fameuse chocolaterie, dans un rôle qui est resté culte. Le beau regard burger se veut donc un hommage comestible au personnage, avec une gelée de tomates, des pommes de terre frites, un fromage qui éclate et sa mystérieuse sauce Wonka. Il affiche des couleurs semblant venir tout droit de l'espace. Disons que le pain est coloré un peu arc-en-ciel. Ouais. Et le pain du dessus est comme très, très bleuté, comme un ciel étoilé, voie lactée, etc. Donc, si vous voulez tenter l'expérience, ça va être vendu dans 3 restaurants. C'était en fin de semaine passée, ou il y a 2 semaines. Bref, 16$ chaque. Si vous le demandez en demande spéciale, sûrement qu'ils veulent l'avoir, allez voir sur le site pour les informations. Pour suivre le lien de l'article, voilà. À chaque jour, il y avait un heureux qui découvrait dans son paquet un ticket doré lui faisant remporter un prix mystère, pareil comme dans Charles. C'est mignon. Maintenant, le volcan qui veut faire du bien à votre foie. Bon, ça, on aime ça. On aime ça. On parle tout le temps de ta vésicule biliaire parce que t'en as plus, mais ton foie, il faut que t'en prennes soin. Ben oui. C'est ça. Donc, boire de l'alcool régulièrement, mais toujours avec modération, a des effets bénéfiques sur la santé. La chose n'est plus à démontrer. Mais pourrait-on envisager des boissons alcoolisées qui prennent vraiment soin de votre corps, nous demande Uber Gizmo. C'est ce que propose de faire la Volca Bellion, mise au point avec la technologie NTX. Donc, consommer trop souvent et en trop grande quantité, l'alcool peut endommager très sérieusement le foie, notamment, et conduire à la cirrhose. La technologie révolutionnaire NTX, développée par Arsha Chigurapati et ses collègues, est un mélange propriétaire d'ingrédients qui érige un bouclier autour du foie pour le protéger des effets néfastes de l'alcool, ceci sans altérer le goût de la boisson en elle-même. Ça a l'air trop beau pour être vrai, mais il semblerait que les effets négatifs sur le foie et l'ADN aient diminué de 93%. Ben voyons, non. Il aura fallu 10 ans pour développer NTX et trouver la meilleure proportion entre les ingrédients, mais le jeu en valait la chandelle, disent-ils. Je cite, « Maintenant, ils peuvent boire de l'alcool, l'apprécier vraiment et protéger leur foie et leur ADN en même temps. » La technologie NTX n'est pas nouvelle, mais si la Volca Bellion est annoncée comme la première à véritablement prendre soin de vous, c'est parce qu'il y a suffisamment de preuves scientifiques pour ça, malgré l'interdiction du Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, le TTB, aux sociétés d'en faire la promotion. T'as pas l'air de faire la promotion de ça. Ah, c'est ça. La Volca Bellion NTX est déjà commercialisée aux États-Unis dans une vingtaine d'États, et Chigurupati entend bien l'exporter à l'international. Gardez à l'esprit que si vous en buvez un jour, cette Volca est plus sûre qu'une boisson alcoolisée classique, mais qu'elle ne l'est pas. Absolument. Cette volcan est plus sûre que... OK, plus sûre comme pas surette, mais comme plus safe. Ah, OK. Plus sûre, plus sécuritaire. Voilà. Ouais, mais j'ai donc bien des articles en français aujourd'hui, ça se fait tout ça. C'est comme oui. Comment la physique peut-elle améliorer la tenue de la mousse dans la bière? Oh! Qualité du houblon et propreté du verre influent sur la tenue de la mousse au-dessus de la bière. À un niveau plus fondamental, un phénomène physique, l'effet Marangoni, joue un rôle tout aussi important. Et des spécialistes américains de dynamique des fluides annoncent justement être parvenus pour la première fois à maîtriser cet effet. Alors servirons-nous bientôt des bières aux mousses éternelles? Pour l'amateur de bière à consommer toujours avec modération, une belle mousse qui tient est indissociable du plaisir de la dégustation. Malheureusement, la mousse finit toujours par disparaître, et ce, malgré l'action bénéfique d'un phénomène physique curieux qui est l'effet Marangoni. Alors, lorsqu'une équipe de très sérieux ingénieurs de l'Université de Stanford annonce avoir réussi à maîtriser ce fameux effet, on se prend à rêver à une bière dont la mousse tiendrait éternellement. Il faut savoir que la durée de vie d'une mousse se joue intégralement à l'interface liquide-gaz et de fait dépend de très faibles quantités de matière. Ainsi, la stabilité d'une mousse est particulièrement sensible aux perturbations. Lorsque des bulles s'accumulent à la surface de liquide, des films se forment entre elles. Ils ont naturellement tendance à s'étirer puis à se rompre, faisant disparaître avec eux la belle mousse blanche qui ornait le verre. Mais leur étirement crée également un gradient de tension superficielle qui est lui-même à l'origine d'une force entraînant le liquide des zones les plus épaisses vers les plus fines. C'est l'effet Marangoni qui s'oppose donc à l'étirement des films entre les bulles et favorise la stabilisation de la mousse. Les chercheurs de Stanford ont étudié le comportement de bulles de savon, un modèle en dynamique des fluides, qu'ils ont amené à la surface non pas progressivement, mais palier par palier. Au premier, ils ont pu naturellement observer la formation d'un flux Marangoni, puis ils ont permis à la bulle de poursuivre son ascension jusqu'à un deuxième palier. Ils ont alors pu observer la formation d'un nouveau flux Marangoni, un flux qui vient encapsuler le premier et de fait l'arrêter net. Au troisième niveau, c'est le deuxième flux Marangoni qui a été stoppé, etc. L'équipe est ainsi parvenue à créer jusqu'à 7 flux Marangoni imbriqués les uns dans les autres. Au-delà de la question de la qualité de la mousse de la bière, les recherches menées par les ingénieurs de Stanford pourraient aider à améliorer les techniques de séparation au pétrole brut, donc eau et pétrole brut, ou à éviter la formation de bulles indésirables lors de la formulation de médicaments. Elles pourraient même aider les médecins à trouver un substitut au surfactant pulmonaire, ces produits qui forment une fine couche qui protège les alvéoles et prévient la survenue de collapsus comme ceux qui se produisent lors du syndrome de détresse respiratoire néonatale chez les bébés. Ah ouais. Et finalement, Colin, des fois on parle de drones, mais là on parle de drones comestibles. Tu sais, des drones qui livrent de la bouffe, on a déjà parlé plusieurs fois, mais là, des drones comestibles pour aider les populations en difficulté. Hein? Construire des drones faits de métal et de plastique n'est pas chose aisée. Les constructeurs rivalisent d'ingéniosité pour améliorer ces engins. Certains vont plus loin encore avec des matériaux, notamment en concevant des drones comestibles. Le drone Pouncer veut aider les populations en difficulté. Actuellement, dans les zones en urgence, ce sont des avions militaires qui parachutent des rations de nourriture quotidienne, un procédé coûteux qui occasionne beaucoup de pertes, notamment à cause de l'imprécision du largage quand on envoie ça en bas, et les rations sont loin de convenir à tous les besoins. Le projet du drone Pouncer est l'œuvre de l'ingénieur Nigel Gifford, qui s'est s'était fait connaître en vendant son satellite solaire à Facebook pour 20 millions de dollars en 2014. Quand même. Avec quand son, même. Tu sais, ça paye pour les études pour faire un pound sur après. Ouais, c'est ça. Avec son prototype, aucun gâchis, le drone vole jusqu'à destination. Ses ailes sont totalement comestibles, tandis que sa cabine est remplie de nourriture et d'eau pour offrir un minimum de 3500 calories contre seulement 2200 pour une ration quotidienne parachutée. Mieux encore, ce drone peut embarquer de la nourriture davantage en adéquation avec le régime de la région du globe ou la religion. Et pour se rendre totalement utile, le châssis serait fait de bois pour être ensuite brûlé au besoin. Ne resterait alors plus que les moteurs, câbles et batteries. D'après Nigel Gifford, le drone offrirait une précision de pilotage de 10 mètres et ce, même à la distance maximale de 33,8 km de portée. Le Pouncer pourrait être prêt à effectuer ses premières livraisons d'ici 2 ans. Ah oh, ouais? 2018. Intéressant. Ouais. Continuons avec quelques dernières avant de terminer l'émission. En fait, non. On va terminer l'émission là. Mm-hmm. On va terminer l'émission là parce qu'on a quelqu'un après nous. Mm-hmm. Les lignes sont sur assemblagerequis.com pour la chronique Une grosse pointe d'adresse. On s'en fait tous les jeudis à partir de maintenant parce qu'on n'a pas eu de jeudi depuis le début de la session. Mais là, on va tous les prendre parce que les seuls congés qu'on a sont des lundis. C'est vrai? Dans la vie. En général. En temps normal. Voilà. C'est tout pour Une grosse pointe d'adresse et c'est tout pour Assemblage Requis pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Personne à remercier autre que toi, Tania Baudin. Merci aujourd'hui. À toi, Mathieu Plante. Ça me fait plaisir. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, bien sûr, à 9h30, dans quelques instants, ce sera l'émission Génie en liberté avec Samuel Girard et Stéphanie Rompré-Lalouette. Ensuite, à midi, la rediffusion du Mathieu Plante Show. Dans quelques semaines, pas maintenant, là, prenez ça en note, mais bientôt commencera Connaître ensemble le retour à 14h oui. Les jeudis, mais pas aujourd'hui. Et puis, il y a la sortie de côte à votre gauche, il y a Radio Sonic en après-midi, en rediffusion. En direct ce soir à 19h, édition de 3h dorénavant pour Très Blues Assez Fou. Tout à fait. On n'a pas eu l'occasion de le dire encore, mais Denis Baudin va être là. Oui, 3h. 19h à 22h et ça repasse les dimanches à midi. Nous, on se retrouve sinon lundi au jeudi de 16h30 à 9h30 pour Assemblage Requis, les mardis à 14h pour les Palmarès C'est Fou, toi à 14h les mercredis pour En Piste et moi et le Mathieu Plante Show. Voilà. Il y a des reprises, cif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balados diffusion. On se quitte avec une dernière pièce. Est-ce que tu as envie de choisir avec moi, Tania, pour la dernière pièce de la semaine? Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu veux entendre, toi? Tiens, si on allait écouter Bleu Toucan avec Anoua Bleu Café. Toucan, je sais que tu l'aimes, celle-là. Ben ouais. Oui, parce que ça parle de café, donc automatiquement, ça rentre dans mes cordes. Absolument. Bon Génie en liberté. Bonne fin de semaine. On se retrouve lundi à 16h30. Merci, Tania. Bye. Bon café. Oui.